tout faire, cet homme-là. Merci beaucoup, Edouard Dumortier. À bientôt. Allez, demain, figurez-vous qu'on fera une émission où on sera encore en contact avec l'autre. C'est vrai, ça. Savez-vous combien votre environnement proche recèle de trésors de consommation? Il y a forcément un maraîcher, un boulanger, un éleveur qui va ravir vos papilles et votre porte-monnaie. Vous saurez tout sur les locavores. Ce sera demain avec nos invités à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, mes voisins de studio, ils sont nombreux. Voici Laurent Ruquier des Grosses Têtes. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain sur RTL. RTL, il est 16h. Place à l'information avec vous, Marie Guerrier. Marie. Les casseurs perturbent la manifestation nationale contre la loi travail avec d'importants dégâts le long des boulevards parisiens empruntés par le défilé, Christophe Ponzio. Effectivement, dégâts très spectaculaires tout au long du cortège. Tous les abribus en verre ont été détruits. De très nombreuses vitrines de commerce, des banques, des assurances, mais aussi des artisans ont été détruites. Il ne reste plus rien, se désolait énervé l'un d'entre eux tout à l'heure. Encore plus impressionnant, ces barres de fer sorties par des casseurs pour détruire en fait des rebords de fenêtres pour en faire du gravat et surtout des munitions contre les forces de l'ordre. Actuellement, les échauffourées donc se poursuivent juste après l'hôpital Necker enfant malade. Des jets de projectiles contre les policiers et les gendarmes qui devaient sécuriser ce cortège. Des forces de l'ordre qui répliquent toujours avec des gaz lacrymogènes alors que le cortège continue d'avancer bien lentement en direction des Invalides où la dispersion est prévue, mais ça, ce sera pas avant 18h30. Christophe Ponzio, dans la manifestation parisienne pour RTL, il y a eu 13 interpellations. Les casseurs s'en prennent aux policiers et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ne peut plus le supporter. Colère il y a un instant à l'Assemblée nationale en évoquant l'assassinat la nuit dernière d'un policier et de sa compagne qui laisse un fils orphelin. Alors que je vois la dignité de ces policiers, que je vois les souffrances accumulées, que je vois les familles déchirées derrière les cercueils, je ne peux plus supporter ces postures, ces propos, ces affiches qui mettent en cause ceux qui portent l'uniforme. Et au moment où il y a des manifestations à Paris, j'appelle tous ceux qui sont dans la violence à retrouver un peu au fond d'eux-mêmes d'humanité, de tolérance, de respect, simplement en respect de ceux qui sont tombés hier et en respect de ce petit enfant auquel nous devons de donner une image digne de la France. Le ministre de l'Intérieur, il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale avec Olivier Bost pour RTL. Dans l'enquête sur ce double meurtre d'un policier et de sa compagne dans les Yvelines, trois hommes de 27, 29 et 44 ans sont actuellement interrogés par la police. Ils sont liés au tueur Larossi Abala. Avant d'être abattu la nuit dernière par le RAID, Larossi Abala a dit qu'il avait prêté allégeance à l'État islamique il y a trois semaines et qu'il répondait à l'injonction de Daesh de tuer des mécréants chez eux. Il savait qu'il s'attaquait à un policier. Le tueur avait aussi une liste de cibles potentielles sur lui, des rappeurs, des journalistes, des policiers et des personnalités publiques. À son domicile, pas d'armes ni d'explosifs, mais du matériel informatique qui a été saisi. Un important incendie de forêt à Ventabrin dans les Bouches-du-Rhône perturbe la circulation des TGV. Les trains sont bloqués en gare d'Aix-en-Provence ou d'Avignon, notamment à Paris-Marseille qui compte déjà 3 heures de retard. Le feu est attisé par un fort mistral. 200 pompiers et 4 canadairs sont mobilisés, nous indique Étienne Baudu du bureau RTL de Marseille. La Russie est en sursis dans l'Euro de foot. Si de nouveaux incidents avec des supporters russes se produisent dans des stades, la Russie sera exclue, prévient les organisateurs de l'UEFA. Et maintenant, eh bien, place à la séance de pronostics avec Thibaut Geffretin. Bonjour à tous, on joue avec le match du soir Portugal-Islande à 21h en direct sur RTL, la première compétition internationale de l'Islande. La cote pour une victoire de la petite île est à 9,30, le match nul à 4,20 et la victoire portugaise à 1,48. Les cotes sont sujettes à évolution. Le Portugal évidemment favori, mais attention à l'Islande qui a surpris son monde en qualification en battant la Turquie, la République tchèque et deux fois les Pays-Bas. C'est à cause de l'Islande que les Néerlandais ne sont pas qualifiés pour 7 euros. La ferveur est grande autour de ce premier match à Saint-Etienne. Plus de 30 000 Scandinaves ont fait le déplacement en France. Le pays compte 330 000 habitants. Cela veut dire qu'un Islandais sur 10 est en France. La fédération a tout fait pour se développer ces dernières années avec la création de terrains couverts pour protéger les joueurs de la neige. Un joueur de Ligue 1 sera titulaire ce soir, le Nantais Kolbeinn Sigthorsson à la pointe de l'attaque. Prochain rendez-vous pronostic à 17h. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Les chevaux courent à Nantes cet après-midi, Bernard Glass. Avec un rappel de l'arrivée du quintet, Marie, c'était la troisième épreuve. Le 8 était non partant, le numéro plus 1449 est la bonne combinaison. Le 11, le 3, l'As, le 10 et le 6. Arrivée et rapport de la cinquième épreuve, le 15 était non partant. C'était un pic 5 et c'est le 11 éclair qui s'impose. 5,70 et 2,30 devant le 5 Fly No. 5,60, troisième place pour l'As High School. 2,70, quatrième le 4, cinquième le 12. Et puis la sixième, victoire du 3 Biennale. 5 et 2 euros devant le 5 Born to Play, 3 euros. Et le 10 Beauté de la Serre, 5,30 placé, 4e place pour le 8. Suite et fin des arrivées dans un peu plus d'une heure. À tout à l'heure, Bernard. Il est 16h05, vous êtes sur RTL, les grosses têtes maintenant, bien sûr, avec Laurent Ruquier. RTL. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui peut vous faire rêver tout en vous empêchant de dormir, Karine Lemarchand. Bonjour. Une grosse tête footballeur professionnel, il a libéré Orléans et il vient bûcher à RTL, Pierre Boubi. Bonjour, bonjour à tous. Une grosse tête qui n'a pas besoin de jouer au football pour être hors-jeu, Chantal Latsou. Bonjour. Une grosse tête qui sera à l'affiche de Camping 3 très bientôt. Mais pour camper, un personnage qui ne campe pas, Gérard Jugnot. Bonjour. Une grosse tête qui met tout son poids dans l'émission et qui pourtant n'est jamais lourd, Bernard Mabille. Bonjour. C'est gentil. Et on attend Christophe de Chavannes. Ah oui. Alors c'était quoi le lancement pour le Christophe? Le voilà. Une grosse tête qui n'a pas besoin de deux tours de clé pour démarrer au quart de tour, Christophe de Chavannes. Bonjour. Il était temps. Qu'est-ce qu'on attend? On vous attend pas d'ailleurs parce qu'on est en direct, vous savez. Je ne sais pas, j'ai entendu. Je mets mon casque et j'entends ça. Donc. C'est maladif quand même, hein, ce petit problème. Non, c'est pas maladif. Il y a quelqu'un qui s'est jeté sous la rame. Bien sûr. On va pas rigoler avec ça, s'il vous plaît. Le seul mec qui essaie de nous faire croire qu'il y a des métros qui marchent un jour de grève. C'était ça. Tu vois comme des menteurs. Quel menteur. Parce que vous essayez de nous faire croire que vous venez en métro. Ok, il y a les révisions du bac d'abord. Et tu passes ton bac aussi. J'ai une adolescente qui passe son bac, donc nous passons des soirées. C'est la semaine prochaine le bac. C'est demain. Cette année. Alors, demain. Quand on s'occupe pas de ses enfants, c'est sûr. C'est pas le même bac que toi, apparemment. Vous rappelez Pierre Boubi, footballeur? Oui. Pourriez le féliciter parce qu'il a réussi à faire remonter son club en deuxième division. Ah ben on en avait parlé, félicitations, dites-moi. Merci, c'est gentil. Mais c'est vous qui avez marqué les buts et tout? Non, moi j'en ai pas mis un du tout. Ah ben alors que vous avez fait alors? Ouais, je me suis contenté d'essayer de faire marquer les autres. Je crois que notre footballeur plaît beaucoup à Chantal là-dessus. Oui, je trouve très beau garçon. Ah, voyez. Et en plus, il aime bien, il m'a dit. Hein? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il m'a dit que tu m'appréciais. Oui, j'aime beaucoup. Tu peux le dire à l'antenne, il n'y a pas de problème. Ouais, je le dis, de toute façon. J'ai pas eu trop le choix en coulisses. Il va te mettre un petit tir dans la lucarne, tu vois. Surtout qu'elle s'est mis une natte. Oui, alors ça, c'est assez. C'est pour qu'elle en tasse, en fait. C'est assez surprenant. Qu'est-ce que c'est que cette natte, Chantal? Elle est poussée dans la nuit. Mon petit poney, la tête qui pousse la nuit. Non, mais c'est une fausse natte, donc. Ah oui, c'est une extension. Vous mettez des extensions maintenant? Non, c'est-à-dire que j'ai tourné hier soir le Gala de l'Union. Ouais. Et j'ai fait Calamity Jane. Ah. Donc ils m'ont mis des grands cheveux en extension. C'est dommage qu'il n'y ait pas des extensions pour tout. Il y a des extensions aussi pour... Ah bon? Ah oui, oui. Non. Mais si on reçoit ça sur Internet... Quand on regarde des films de cul, oui. En général, les gars qui reçoivent ça sont des gars qui regardent des films de... Comment ça marche, les extensions? Tu mets le pénis dans une pompe et tu aspires et ça le grandit. C'est ce que Bernard a fait avec son ventre. Ça marche bien d'ailleurs. Ça marche avec tout. Il est con, le footballeur. Ouais. Ouais, je l'ai senti vraiment footballeur. Alors, en plus, il paraît que je ressemble à la princesse Réponse. Ah bah écoutez, ça vous en fera une. Hein. Fleur au pétale d'or, réponds ta magie. C'est pas mal, non? Oh la vache. Il est temps de passer à une première citation pour monsieur Michael Portes qui habite Beaurain dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Ne courez jamais après un autobus, ni après une femme. Il en arrive toujours d'autres dans les 5 minutes. » Ah ça, je sais ça. J'ai déjà lu, mais je ne sais pas qui l'a dit. C'est américain. C'est américain. Double CVC Field. Comment vous dites? Double CVC Field. Courez-y alors. C'est pas Woody Allen? Ce n'est pas Woody Allen. Groucho Marx? Groucho Marx. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Il nous avait dit qu'il le savait, il le savait. Une autre citation pour Kevin Doyel, qui habite Arras, qui a dit « Les gens veulent sans doute être surpris, mais toujours surpris avec ce qu'ils attendent. » Ah, c'est ça, vrai. C'est bon, ça, surprendre avec ce qu'on attend, c'est très joli. Et oui. « Les gens veulent sans doute être surpris, mais toujours avec ce qu'ils attendent. » C'est un homme. C'est un homme. Alors, décédé. Un auteur dramaturge. Oui, exact, dramaturge. Décédé. Anouilh. Anouilh, non. Décédé, oui. Comment? Roussin. André Roussin, non. Achard. Décédé il y a longtemps. Marcel Achard. Marcel Achard, non. Décédé en 1947, il avait 81 ans. Giraudoux? Giraudoux, non. Il écrivait plutôt des romans? Des romans, non. Des pièces? Des choses drôles. Des pièces connues encore? Il était aussi verbicruciste. Ah, Tristan Bernard. Tristan Bernard, bonne réponse. Je peux savoir ce que ça veut dire, verdicruciste? Ça veut dire cruciverbiste. Non, non, ça veut pas dire cruciverbiste. Non, lui, il en fabriquait. Il est fabriqué. Ah, mais autant pour moi, bravo. Il est fabriqué. Bravo, Laurent. Le cruciverbiste est celui qui joue au mot croisé, qui essaie de trouver évidemment les réponses aux définitions, alors que le verbicruciste est celui qui écrit les définitions et qui est en train de concevoir sa grille. J'aurais plus compris l'utilité du mot si c'était mot croisétiste. Au c'est moins, on va chercher des mots. Si c'est pour dire ça, tu peux te taire. Ouais, franchement. Il a un peu raison, le footballeur. La langue française est faite pour faire chier les footeux, de toute façon. Et faites-eux. Mmh. Oh là là, on est mal barré. Heureusement qu'on n'a pas toute l'équipe. Hein. Le vôtre, vous étiez aussi obligé, Karine, de lui donner des cours de français? Je ne peux pas répondre à ça, ça va faire des histoires. Ah oui. Regardez ces interviews avant 2006, 2008 et puis maintenant. Ah bah t'as raison, ça ne va pas faire d'histoire. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Bonjour, c'est Stéphane Carpentier. 4h30, 7h, RTL Matin. Tout savoir sur l'actualité, mieux comprendre les débats qui animent le pays, découvrir les tendances qui vont changer notre quotidien. Je vous retrouve tous les jours dès 4h30 avec la fine équipe et Marina pour les petits matins de RTL. Un seul mot d'ordre, la bonne humeur, grâce notamment à notre bloc-notes quotidien pour bien démarrer la journée. Là, ça peut être drôle de vivre avec vous. Alors, non, ça va pas être drôle. Mais en même temps, j'ai pas envie de vivre avec vous. C'est vrai, ça tombe bien. Rendez-vous demain de 4h30 à 7h sur RTL. Quelle chaleur dans cette maison. Et en plus, la clim est à fond, mon chéri. Et t'as vu les voisins, eux, ils ont des stores intégrés dans leurs fenêtres Internorme. À ce propos, j'ai entendu dire qu'à l'occasion de l'anniversaire Internorme, tu bénéficies de 15% de remise sur les fenêtres avec store intégré. Profitons-en. Et fini la clim. Décidément, Internorme, c'est énorme. Appelle-les vite, l'offre se termine le 30 juin. Avec Internorme. De l'avenir. Possibilité de crédit d'impôt et TVA réduite. Liste des 150 distributeurs hautement qualifiés sur internorme.fr. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grosses têtes avec aujourd'hui le retour de Pierre Boubi. Une question pour Alexis Pérez qui habite Juvisy. On va évidemment célébrer cette fin de semaine le fameux appel du 18 juin. D'ailleurs, vous avez vu que François Hollande hier était à Colombelles et deux églises. Ouais. Hein. Deux églises, une cloche. Il était devant la tombe du général, vous avez raison. Oui, oui. Et il va y retourner, il va au Mont Valérien là, demain. Vous rendez compte un Valérien, peu. Valérien, Trier-Verlien. Le Mont Valérien et le président non plus, remarquez. Alors... Non mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que la question concerne évidemment l'appel du 18 juin. Et outre l'appel du 18 juin, il y avait une fameuse affiche, l'affiche à tous les Français qui était évidemment placardée à Londres à l'époque. On est début août 1940 à ce moment-là, donc quelques semaines après le 18 juin. Et souvent, on confond les deux textes. Le texte de l'appel du 18 juin et l'affiche. Et sur cette affiche, signée par le général de Gaulle et qui se terminait par « Vive la France », on pouvait lire deux phrases restées célèbres. Juste sous le fameux appel à tous les Français. Quelles sont les deux phrases célèbres qu'on peut lire sur l'affiche de l'appel du général de Gaulle derrière à tous les Français? Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Sans le gaulliste, hein. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Génial. Et l'appel du 18 juin, en fait, historiquement, n'est pas du 18 juin. Si. Ah non. Si. Il n'a pas été enregistré, en tout cas, le 18 juin. Ah bah c'est pas pareil. Mais l'appel du 18 juin a bien été fait le 18 juin, sauf qu'on n'a pas d'enregistrement de l'appel du 18 juin, mon petit Christophe. C'est ce que je voulais dire, pardonnez-moi. Ah ben oui, mais on voit que vous êtes viré, là. Ce qu'on a entendu ne date pas du 18 juin. Non, c'est vrai. Ça a été fait par la suite. Après. Vous l'avez connu, vous, le général Bien sûr, très bien, très bien. Non, sérieusement, non, mais... Ah non, très bien, j'ai même connu Clovis. Mais non, mais j'étais sérieux, Clovis, je me doute bien que non. Mais général, vous avez dû le connaître, Bernard. Bah non, pas non, du tout. Non, bah, alors, on était vivant quand il était... Ah oui, on était vivant, oui. Il n'est pas venu chez moi. Mais enfin, vous avez commencé à écrire quand, à faire ce métier, quand, Bernard? À 6 ans il y a très longtemps, mais pas quand même sous le général de Gaulle. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Je sais pas, il a ses vapeurs, Christophe, mais il me fait peur. Il est en train de remuer son petit pull parce qu'il a chaud. Je suis un vrai dim sum. Il a vraiment couru pour venir. Je suis un vrai dim sum, pardon. Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai chaud, je ne sais pas pourquoi. La ménopause. Peut-être j'ai couru. Ah oui, tu vois. Alors on ne dit pas la ménopause, on dit l'andropause. Oui, quand on fait une vanne, au moins on parle français. C'est que je ne suis pas arrivé à l'âge encore, c'est pour ça. Ça vient vite. Tu verras. Nous, on connaît le mot. Et vous, la ménopause, Chantal, quand c'est arrivé? Ça peut vous foutre de ma ménopause, je veux dire. Vous emmerdez avec ça. Chantal, c'est la méménopause. Oh non, mais je laisse pisser. Parce que vraiment... Ah oui, il paraît. C'est l'incontinence. Il y a des couches. Une autre question pour Kittery d'Arras, qui habite Villenave-d'Ornon, en Gironde. Et la question concerne quelqu'un qui s'appelle Juan Carlos Carcedo. Que fera-t-il la saison prochaine à Paris? Ça? Il vient jouer au PSG? Ouais, j'allais le dire. Il ne va pas jouer au PSG. Il va entraîner le PSG? Non, mais on se rapproche. C'est un rapport avec le PSG? Oui. Oui, il va soigner les joueurs. Il va laver les maillots du PSG? Non. Il va dessiner la nouvelle ligne? Non. C'est quoi le nom? Juan Carlos Carcedo. Et directeur sportif. Non. Médecin. Il vient d'Espagne. Ah, il vient d'Espagne, ça, oui. Et il a le même job en Espagne, plutôt que de... Non, justement. Ah, voilà, il change de métier. Il va se mettre sur le terrain, sur le côté. Il va dresser? Non, c'est un dresseur de footballeur. C'est pas un kiné. Il va faire partie du staff. Ostéopathe. Alors il va faire partie du staff, c'est vrai, mais il va faire quelque chose. Nutritionniste. Non, hypnotiseur. Non, il va faire quelque chose. Coiffeur. Non. Parce que là, il a du boulot. Hein. Ah, pédicure. Non plus. Il va faire quelque chose de très précis. Est-ce que c'est médical? Gastro-entérologue. Non. Est-ce que c'est médical? Non, c'est pas médical. Est-ce que c'est sexuel? Non, pas du tout. Oh, c'est pas vestimentaire. Ça a à voir avec les affaires, le recrutement? Alors ça a à voir avec le recrutement, oui. Juan Carlos Carcedo, que va-t-il faire la saison prochaine au Paris Saint-Germain? Il va fournir tout le monde en matériel particulier. Il va s'occuper des buvettes, des trucs comme non. Il va être proche des joueurs. Alors ça, forcément. Très proche. Ça va être la nounou des joueurs. Pas tout à fait. Le psy des joueurs. Qu'est-ce qui se passe au Paris Saint-Germain l'année prochaine? Le bordel. Ils vont recruter. Il n'y a plus le grand. Il n'y a plus Zlatan. Il n'y a plus Zlatan. Comment vous dites Zlatan? J'ai dérapé sur le Ils vont devoir être motivés Zlatan. Psychologiquement. Il n'y a plus Laurent Blanc non plus. Il n'y a plus Laurent Blanc. Et c'est vrai que ça coûte 30 millions. Le fait que Laurent Blanc s'en aille, c'est un chèque de 30 millions d'euros. Non. Tu t'en fous, c'est pas toi qui le fais. Il va remplacer Léon Blanc. C'est le Qatar. Là, tu fais rêver le petit footballeur. Il va remplacer Laurent Blanc. Voilà, j'en suis loin des 30 millions. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un soutien psychologique? Non. Il sera dans les vestiaires. Est-ce que c'est... Oui, vous avez compris que Laurent Blanc s'en allait. Ça déjà. Qu'est-ce qui se passe après? Il faut un remplaçant. Alors, il va être remplaçant? Qui remplace Laurent Blanc? Ben, justement. C'est l'ancien entraîneur de l'Atlético. Athletic Bilbao. Ouais, Bilbao. Ah bah non, mais alors si vous ne savez pas, c'est vous le footballeur, comment voulez-vous que les autres sachent? Ouais, mais là, je suis en vacances, j'ai coupé avec le foot. Posez-lui une question sur le basket. C'est le mari de l'entraîneur. C'est l'ancien entraîneur de Bilbao. Non, écoutez, attendez. Laurent Blanc va être remplacé et lui, il va être assisté. Il va être chauffeur des joueurs. Non, écoutez, il va être au poste, il va être dans le bureau de Laurent Blanc. Non, alors écoutez. Il va repeindre le bureau de Laurent Blanc. Il va repeindre le bureau en blanc. Attendez. L'entraîneur. Vous savez quand même qui remplace Laurent Blanc. L'ancien entraîneur de Bilbao. Non, mais de visu, je vois qui c'est, mais je me rappelle plus de son nom. Ah, il s'appelle Emery. Voilà. Oui, Toile. Unai Emery, il s'appelle. Et il entraînait le FC Séville. Il vient pour traduire. Il vient pour traduire. Qui? Ah, l'Espagnol, bien sûr. Il vient effectivement. Traducteur. C'est lui qui va traduire auprès des joueurs, car le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain ne parle pas un mot de français. Bonne réponse de Pierre Boubi. Encore une bonne réponse. Ça va être pratique. Ah ouais, c'est pas réactif. Et pourquoi ils appellent ça Paris? Qu'est-ce qu'il va traduire comme mot? Ballon et but. Non, mais l'entraînement. C'est un petit peu plus compliqué. Toi, ballon dans but. Mais... Expliquez-lui. Toi, beaucoup d'euros. Non, mais les stratégies et tout. Après, voilà, il faut. Ah, il y a des stratégies. Ouais, c'est compliqué le foot en vrai. Hein. Oh, on dirait pas comme ça, mais oui, ça travaille là-haut. On voit qu'ils réfléchissent d'ailleurs. Oh. Si. Bon, en tout cas, c'est une bonne réponse de Pierre Boubi. Effectivement, Juan Carlos Carcedo sera celui qui traduira aux joueurs les propos du nouvel entraîneur. Jusqu'au 19 juin, c'est la fête des fruits et légumes frais partout en France. À cette occasion, les fruits et légumes vous lancent un grand défi. Alors, à vos selfies et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Pour y participer, rendez-vous sur lesfruitsetlegumesfrais.com. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Le Mont Ventoux, ses côtes abruptes, sa chaleur étouffante. Une expérience sensorielle entre épuisement physique et déshydratation. Amateurs de défis, risquez la chute libre à flanc de montagne et plongez au cœur d'une nature vierge et épineuse. Tour de France, suivez le guide dans Vélo Magazine. Équipe, favoris, étapes, tout ce qu'il faut savoir sur la grande boucle est dans Vélo Magazine. Et en cadeau, le poster du Tour. Quand on est un vin du Val-de-Loire et que l'on voit la vie côté rosé, alors tous les mariages sont acceptés. Cabernet d'Anjou, c'est l'alliance réussie de notre onde et acidulée avec des recettes apéritives aussi bien sucrées que salées. Alors vous aussi variez les saveurs et osez un Cabernet d'Anjou salade de fruits pour voir sa robe rose, framboise, tournoyée ou un Cabernet d'Anjou verrine de saumon pour goûter à ses reflets saumonés. Avec Cabernet d'Anjou, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour Market. Ce week-end, on se fait un pique-nique. Qu'est-ce que vous avez de bon et de facile à emporter? J'ai ce qu'il vous faut, Michel. Jusqu'au 19 juin chez Market, il y a 50% d'économie sur la carte de fidélité sur le lot de deux paquets de jambon le torchon Madrange. Oh, c'est bon ça! C'est aussi valable sur une sélection de produits de marque. Ah, bah vous faites les sandwichs alors. Carrefour Market. Le plein de fraîcheur et d'économie. 2 fois 160 grammes. Modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, bougez plus. Il arrive le mondial. Inscrivez-vous dès maintenant au mondial La Marseillaise à Pétanque. Le plus grand concours de boules du monde, ouvert à toutes et à tous, avec 15 000 participants et des équipes du monde entier. Le mondial La Marseillaise à Pétanque, c'est la plus grande fête de la pétanque. Un événement sportif et convivial à ne pas manquer à Marseille du 3 au 8 juillet. Retrouvez tous les renseignements dans le journal La Marseillaise et sur www.mondialapétanque.com avec RTL. Bonjour patron. Bonjour. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin, Berthier, vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien au volant d'une Citroën avec un an d'assurance offert. Dépêchez-vous du 10 au 20 juin avec Citroën Assurance. Votre première année d'assurance est offerte sur toute la gamme Citroën. Citroën. Hors vitamines et véhicules électriques soumis à conditions sous réserve d'acceptation de l'assureur dans les points de vente participants. Conditions de l'offre détaillées sur citroën-assurance.fr. Vous souhaitez jouer avec Laurent Ruquier pour ce face aux grosses têtes? Et bien écoutez, c'est simple, inscrivez-vous, rtl.fr. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Caroline Beck est au téléphone. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous habitez Nice, quel temps fait-il dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui? Super beau, comme d'habitude. Oh, ah, on n'en peut plus, nous. Faites-nous rêver. On n'en peut plus, oui. Vous avez 29 ans, Caroline. Oui. Tout, ouais. Toute jeune, donc. Ça, ça fait rêver. Que faites-vous dans la vie? Alors, je travaille dans l'événementiel. J'organise des très beaux événements pour des marques ou aussi pour des personnes privées, comme des mariages ou des anniversaires. Ah, vous êtes wedding, comment on dit ? Planeur. Planeur, oui. Ouais. Bah, écoutez, moi, je vous propose un événement, c'est partir avec RTL sur une croisière avec lescroisièresnet.com. C'est pas mal. Pas mal. 3000 croisières différentes vers 45 destinations au meilleur prix. 290 agents de voyage à votre disposition sur le site internet www.croisernet.com. Valeur de la croisière, 1260 euros. Ah, et on. Ah, dis donc. Elle habite Gaz, cette demoiselle? Non, Nice. Ah, pardon. Je crois que c'était Mademoiselle Beck de Gaz. Oh, non. Oh non, vraiment. Oh non, Christophe, c'est pour ça? Oui. Oui, c'est pour ça. Alors, Caroline, Attention, parce que Christophe de Chavannes va sûrement connaître la réponse à la question. Vous avez le droit à 10 secondes. Ouais. C'est très facile, très très facile. Ouais. Que vont faire 695 682 jeunes à partir de demain ? Alors, bah oui. Ouais, c'est pas passer le bac. Eh ben voilà, Caroline. Ouais, super. Vous souvenez-vous quand vous avez passé le bac, Caroline ? Ouais, c'était il y a longtemps déjà, mais oui. Il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps, vous avez 29 ans, c'était il y a 10 ans, non ? Ah, ouais, 10 ans, ouais, 10 ans, ouais. Mm. Allez savoir, même c'était peut-être l'année dernière. Non, pas quand même. 600, c'est plus que d'habitude. Ah bon? Ah oui, oui. Plus ça va, plus il y a de jeunes. Parce que moi, j'ai retenu souvent chaque année. Parce que c'est un truc quand même que je commente à peu près tous les ans depuis 25 ans. Donc, c'était toujours autour de 600 000. Et là, on s'approche. Ah, le niveau monte. On s'approche des 700 000. Non, c'est qu'on démographe. Ah non, mais moi, t'as raison, c'est le brevet qu'elle passe. Donc, c'est la semaine d'après le brevet. Ah, vous avez une fille qui passe le brevet? Elle a 31 ans. Comment c'est possible pour un mec inconnu de Gaulle? Vous êtes toujours là, Caroline? Oui, oui. Ah ben oui, rien plus que jamais. Vous partez en croisière. Avec qui, Caroline? Je pense que je vais l'offrir à ma maman. Ah, c'est, ah, bah, ah, c'est mignon. Quel âge elle a? Elle est pas bête, hein. Avec un peu de chance, elle reviendra pas. Le bateau s'appelle le Zénith. Vous partirez de Marseille vers Florence, Bastia, et vous reviendrez à Marseille. Oh, pas mal, pas mal. Allez voir sur croisièrenet.com. On vous embrasse, okay, Caroline. Une autre question. Qui a tweeté hier, et ce sera une question pour Soyfen Lam, qui habite Villepinte. Qui a tweeté hier, et je vous donne exactement les mots du tweet, « Félicitations à l'Américain Hikaru Nakamura pour sa victoire. Il a fait preuve d'une grande vivacité d'esprit et d'exécution. » Obama. Obama, non. Un Français. Un Français. Alors, qui est-ce, monsieur ? Aux échecs. Alors, oui, bravo, ça. Il s'agit d'échecs. Gasparov. Et c'est Kasparov. Comment vous dites? Oui. Kasparov. Gary Kasparov. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Et Chantal Latsou, j'ai quand même mis sur la piste, je m'excuse quand même. Oui, mais c'est un boulot collectif. Oui, c'est un boulot collectif. C'est Garry Kasparov qui a félicité l'Américain Hikaru Nakamura pour sa victoire à Paris lors du Grand Chess Tour, car il y avait une compétition d'échecs à Paris qui est passée un peu inaperçue. Bah, qu'est-ce que ça aurait été s'il avait été japonais, le mec ? Mais pas aux yeux de Kasparov, qui a tenu par tweet. Maintenant, on félicite les autres par tweet, comme oui, ça, vous voyez. Bien, hein. Et il a tenu à féliciter dire japonais. Non, il est américain, Hikaru Nakamura. Oui. Ne vous en déplaise, monsieur de Chavannes, même si effectivement, au départ, il a un oui, nom. Ça sent un petit peu l'Asie. Hein. Il est né près d'Osaka, au Japon. Ah bah voilà. D'un papa japonais et d'une maman américaine. Mais il est parti vivre aux États-Unis avec ses parents à l'âge de 2 ans. Si jeune et déjà japonais. Pardonnez-moi. Oh là là. Je suis désolé. Bon, voilà, j'avais je suis désolé. Pas compris, d'accord. Il n'y a pas une place en croisière pour lui. En tout cas, c'était une bonne réponse des deux filles. Et en ce moment, vous le savez, c'est la fête des fruits et légumes frais, l'événement 100% dédié aux fruits et légumes qui se déroule partout en France jusqu'au 19 juin. Et Caroline Interfell vous offre quand même une centrifugeuse Juice and Smooth à l'occasion donc de cette fête des fruits et légumes frais. Bravo à vous, Caroline. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. Ouba, hop. Tu t'es vu quand t'as lu. Cet été, les BD de tes héros préférés, c'est un vrai cadeau. Gaston Lagaffe. Mon frère. Boulébi. Les Schtroumpfs. C'est Schtroumpf, c'est Schtroumpf. Spirou. Et Fantasio. Lucky Luke. Avril, tais-toi. Et plein d'autres personnages. Cet été, la BD à 3,90€, c'est cadeau. T'es vu quand t'as lu. En partenariat avec RTL. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe, et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards ? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pendant l'Euro, il y aura des matchs de poule, des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, une finale. Mais une seule équipe jouera l'intégralité des matchs, sans exception. Cette équipe vous suivra partout. Elle sera dans votre kiosque, sur votre bureau, dans votre salon et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Chez Lidl ? Oui, et ça va pas vous botter, hein. C'est la semaine italienne ici. Dès demain, la liqueur de citron de Sorrento IGP est à 7,99€ les 50 centilitres. La bouteille de 50 centilitres de limoncino de Sorrento IGP est à 7,99€ chez Lidl ? Dis-moi que c'est pas vrai. Si. Et c'est le vrai prix, patron, hein. Oh, ça fait quelque chose, non ? La meilleure des choses, là, c'est que tu te taises. Oh, on est mal. On est très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 15,98€ le litre, 30 degrés. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. RTL présente. Résiste, la comédie musicale de France Gall et Brooke Dawit. Une histoire émouvante et originale rythmée par les plus grands succès de Michel Berger et France Gall. Dernière date au Palais des Sports de Paris. Informations et réservations sur résistelacomédiemusicale.fr. Un événement France 2 et RTL. Allez, retour dans le grand studio de RTL avec les grosses têtes de Laurent Ruquier. Et cet après-midi, Karine Lemarchand, Pierre Boubi, Gérard Jugnot, Christophe Dechavanne, Bernard Mabille, Chantal Latsou. Une question maintenant pour Louis Jovenel qui habite Montréal. Quel curieux théâtre créa M. François Simonet de Coulmiers au 19e siècle ? Théâtre Guignol. D'animaux ? Un théâtre d'animaux, non. Marionnettes. De marionnettes, non, un vrai théâtre. Ah, mais curieux. Mais étonnant. Des Lilliputiens. Comment ça, Lilliputiens ? Qu'est-ce qu'elle raconte, le fameux théâtre de Lilliputiens ? Des petits personnages. Tu veux pas le reprendre ? Est-ce qu'il était particulier par rapport au type de choses qu'on jouait et non pas, les personnages ? Non, c'est plutôt le lieu du théâtre. Ah, c'est pas le Grand Guignol. C'est pas le théâtre en bois qui est dans les Vosges. Non. Le théâtre en rond ? Non plus. C'est le lieu où il était situé qui était étonnant. Ah, exactement. C'est un quartier particulier ? Oh, un quartier, c'est pas le quartier. Dans un cimetière, dans sur l'eau. Arbres. Sur l'eau. Dans un cimetière. Sur l'eau, non. Dans les arbres. Dans les arbres, non plus. Est-ce que c'était à Paris ? Alors, à Paris, presque, oui. Extramuros. Exactement. Ah, en banlieue. En banlieue. Derrière les fortifications. Non, Il est toujours connu, ce théâtre ? Le théâtre n'est pas très connu, mais le lieu reste connu. C'est un nom, évidemment, qu'on connaît. À Pigalle. Non. Est-ce que ça commence par Théâtre 2 ? Ah non, non, aujourd'hui, on ne connaît pas ce théâtre. Ah, d'accord. Il n'y est plus, le théâtre, aujourd'hui. Ah, il n'y est plus. Peut-être, il y est encore, mais peut-être... Il est enfoui. Peut-être on ne l'utilise pas. Mais c'est le nom qui est très connu du théâtre. C'est un théâtre souterrain. Non, on cherche le lieu, en fait. Le lieu, Chantal. C'est le lieu qui est connu, même s'il ne serait plus maintenant au théâtre. Le Mont-Valérien, non. Romainville ? Non. François Simonet de Coulmiers, hein, qui était abbé d'ailleurs au départ, représentant du clergé. Ah, parce qu'il y a un théâtre à Saint-Lary qui a été créé par un. Oui, mais c'est pas la bonne idée. C'était une ancienne vedette du muet. Ah non, ce n'est pas ça. Et c'était en quelle année ? C'était après la Révolution française ? C'était à Saint-Denis. Juste après, oui. Dans la basilique de Saint-Denis ? Non. C'est pas à Fontainebleau, c'est pas le magnifique petit théâtre. Du tout. C'est en banlieue. C'est en grande banlieue, en petite banlieue. En fait, c'est un lieu... Je ne sais pas où c'est exactement. Mais c'est connu pour quoi ? D'ailleurs, c'est bon signe pour moi, je vais vous dire. C'est un lieu qui fait référence... Chantal, elle doit connaître. C'est dans la... Ah bon ? C'est une cave dans le Nord. C'est une cave ? Non, je sais où c'est, moi. Ça se rapproche de la mort. Ça a à voir avec la maladie ou la mort. On va être gentil en me regardant. Est-ce que c'est à Neuilly ? Non. C'est dans le Nord ? Non. Est-ce que c'est à Suresnes ? Et pourquoi on le connaît ? Parce qu'on connaît le nom. Mais le théâtre est devenu autre chose maintenant ? Non, le théâtre a été construit par M. François Simonet de Coulmiers. Il l'a fait construire, ce théâtre. Il a élevé des gradins destinés à recevoir plusieurs personnes. Il y avait en tout... Du public, hein. Oui, 200 spectateurs possibles. Dans un hôpital psychiatrique. Exact. À Sainte-Anne. Maison Blanche. Non, mais vous le connaissez, cet endroit. Mais on ne le connaît pas comme théâtre. Non, évidemment. Walt Disney, Disney World. Mais non. Banlieue sud. On est au 19e, 18e siècle, enfin à cheval. Maison Blanche. Au début du 19e. Ah, à cheval, attends, c'est un indice. Mais non, pas du tout. François Simonet de Coulmiers, directeur d'un asile psychiatrique, pas n'importe lequel, à votre avis. Maison Blanche. Mais non. Sainte-Anne. Non, Maison pas Sainte-Anne, il y en a un autre que Sainte-Anne. Enfin, Maison Alfort. Mais non. Je connais pas d'autres. On dit tu vas finir à... Charenton. Charenton. Ah, bien joué. En Blatsou. Souvent dit, oui. Charenton. Sous De Gaulle. Alors, il est directeur de l'asile de Charenton, l'hospice de Charenton, monsieur François. Je ne sais pas où c'est Charenton, moi, d'ailleurs. Oh, c'est vers Vincennes. Voilà, donc vous voyez, on est en proche banlieue, on va dire. Oui. Donc, François Simonet de Coulmier, directeur de l'asile psychiatrique de Charenton. Il est représentant du clergé. Il n'a pas de diplôme de médecine, d'ailleurs, hein, monsieur Simonet de Coulmier. Non, il est prêtre. Mais il met fin à de nombreuses pratiques qualifiées de brutales, par exemple, l'enfermement des patients dans les cages. Il supprime, voyez, l'usage des camisoles de force et des bains froids. Il supprime. Il supprime. Il supprime jusqu'à quand? Et il utilise des méthodes plus avancées, comme par exemple... L'amour. Le théâtre. Créer un théâtre pour fous, vous voyez. Voyez, moi je m'en suis sorti, tu vois, grâce à ça. Mais à la demande de qui? Marquis de Sade. Ah, du Marquis de Sade, bonne réponse de Bien Bernard joué. Mabir. Bien joué. C'était vite, hein. Et ouais. Oui, le Marquis de Sade était enfermé à Charenton, il écrivait des pièces de théâtre, et c'est lui qui a demandé au directeur de Charenton de créer un théâtre pour qu'on puisse jouer ses pièces. Et donc il avait réservé, il croyait aux vertus thérapeutiques du théâtre, ouais, monsieur de Coulmier, et il avait demandé au Marquis d'écrire des pièces. En face de la scène, il y avait des gradins destinés à recevoir une quarantaine de malades mentaux, choisis parmi les moins agités, quand oui, même. Hein. Oui, si possible. Mais il y avait quand même 200 spectateurs qui pouvaient venir, hors asile psychiatrique, exclusivement recrutés sur invitation. On venait voir les pièces du Marquis de Sade jouer à Charenton. C'est ça qui est assez incroyable. Et alors, aujourd'hui, qu'est devenu cet endroit? Ah bah alors, écoutez, je sais pas, il faudrait aller à Charenton pour le savoir, Chantal. Oui, je peux y aller si vous voulez. Je vais faire une expédition là-bas, oui. Pourquoi je vous parle du Marquis de Sade? Parce que vous avez certainement vu... Ils vont vendre son fauteuil. Exactement, que les héritiers du Marquis de Sade vendent demain à Drouot une partie de ses archives, ainsi que son siège qu'il a suivi jusqu'en prison, et même un portrait de son père, enfin des tas d'objets ayant appartenu au Marquis de Sade. La crise, hein. Ah, le fauteuil est un peu spécial, il y a une grosse bombe au milieu. Oui, bah oui, mais... À l'époque, il y avait ça. Ah bon ? Vous avez des objets sexuels comme ça à la maison ? Oui. Ah, pardon. C'est à Karine Le Marchand que je posais la question. J'imagine que dans votre chambre, il y a des objets, un peu des accessoires. Mais est-ce qu'il faut être coquine, Laurent, ou coquin pour avoir des objets sexuels ? Je sais pas, moi, j'ai pas d'objets sexuels à la maison, mais... Moi, je pense que pour lutter contre la routine, on peut de temps en temps quand même s'amuser. Ah ! Le tube de rouge à lèvres. Ah bon ? Ouais, une folie, quoi. Un petit vibro. Oui, par exemple. On peut être bio et utiliser le concombre. Ou la betterave. Ah, la betterave. Oh, ça tâche. Vous avez des objets sexuels, vous? Mais j'ai mon mari. Voilà. Mais à part votre mari, Chantal. Pas du tout, je ne suis pas joueuse. Dans un instant, les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. No. À l'instant, Justin Timberlake sur RTL. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George Lang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les good old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. S'il vous plaît, nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss ? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse ? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chez Intermarché, les promos vont droit au but. Les deux Dolce Pizza, 4 fromages, Sodebo sont à seulement 7,96€ avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Transformé en France, 760 grammes, 10,48€ le kilo, jusqu'au 26 juin. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. MAF Assurance, bonjour. Dites donc, c'est quoi ce crédit auto de 1,5%? Ben oui, jusqu'au 24 juillet 2016, si vous assurez votre auto chez MAF, vous pouvez la financer à 1,5% TFG fixe sur 12 mois. Ben oui, 1,5%. Tout à fait. Pour un prêt personnel de 5 000 €, ça vous fait 12 mensualités de 421 €, soit un montant total dû de 5 041 €. Alors là, je dis respect. Sous réserve d'acceptation par Franc Finance, dont MAF est intermédiaire de crédit exclusif. Conditions au 35, service et appel gratuit ou sur maf.fr. Suite de vos grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Une question pour Éric Roussel qui habite Lézat-sur-Lèze en Ariège. Qui a-t-on vu saigner du nez hier à la télévision? À l'entraîneur de football. Conte. Allez-y, son nom. C'est Conte, c'est le Italien. Coach italien. Le coach de l'équipe d'Italie, Conte. Bonne réponse de Pierre Boubi et Gérard Jugnot qui l'a vu aussi. Incroyable. Quoi? J'ai dit en même temps que Gérard, l'entraîneur. Mais non, vous n'avez rien dit. Il n'a rien dit du tout. Moi, j'ai rien entendu personnellement. Il y a un complot. Toi, tu as dit Paolo Conte. Non, j'ai dit 24 mois. D'ailleurs, il gauche, il a une oreille faible. Il s'appelle Antonio Conte. Alors, on n'a pas vraiment su pourquoi il saignait du nez. Parce qu'il a une veine qui a pété. Vous croyez? Moi, ouais, je l'ai vu sur Twitter. Trop excité, ouais, apparemment. Trop excité? Ouais, il était à fond. Oui, c'est curé le pif, oui. Ouais, mais tu as vu l'autre qui se gratte le cul et c'est qui sort? C'est Joachim Lowe, ouais, c'est un scandale, ça. Il y en a un qui met la main dans sa culotte devant. Ouais, et puis deux secondes après, il se met le doigt sous le pif. Non. Et cinq minutes après, il se met le doigt dans le cul. Il a refait le lendemain matin, Joachim Lowe, c'est l'entraîneur de l'Allemagne. Ah, mais alors le mec, tu sais, il doit jauger la qualité du jeu à l'odeur de son fion. C'est très bizarre. S'il y a de l'huile d'olive derrière, ça veut dire que ça sent pas bon. Je ne rentre pas là. Je ne rentre. C'est fini. Break pour moi, break. Je break tout de suite là. Non, mais ils ont des manières. Comme ça, les footballeurs. Non, mais le pire, c'est que lui, il a quand même une réputation d'entraîneur assez classe, quoi. Il met des petites chemises et tout. Il a juste les ongles sales. Et là, le problème, c'est que cette année, il est en mode beauf complet, quoi. Non, mais il paraît qu'on l'a déjà surpris aussi en train de se curer. Ouais, ouais, exactement. Ouais, oui, ça, de manger ses crottes de nez. Oui, mais encore, ça qui l'est. Il y a plein de gens qui le font. Tout le monde le fait, ça. Ah non, c'est dégueulasse de manger les crottes de nez. Et c'est le bon, je trouve pas. C'est bien assaisonné. Et c'est le plus chic des sélectionneurs, en plus. Ah, c'est pas, je sais pas si c'est le plus chic. Bah là, du coup, ça cote, elle va descendre là. Ah oui, oui, un peu quand même. Mais alors, on nous explique dans l'équipe ce matin, parce que j'ai enquêté sur cette affaire. Parce que, bah, si, c'est vrai, parce que c'est curieux de le voir la main comme ça dans la culotte, puis après. Et en fait, c'est parce qu'il paraît que c'est une. Alors, vous allez nous le dire, Pierre Boubi, vous qui êtes footballeur. Il paraît que c'est une tradition chez les footballeurs et les sélectionneurs. Ils ont un slip porte-bonheur. Quoi? Ah, qui ne change pas. Exactement. Quand les mâles, ils ont gagné un match avec. Ils ont un slip porte-bonheur. Oui, oui, oui. Puis-je intervenir là? Oui, allez-y. Je pense que ce n'est pas footballeur. Je je pense que tous les sportifs ont des petites maniaqueries ou des gris-gris. Et il y a des pilotes automobiles notamment qui portent toujours le même slip, toujours le même t-shirt. Voilà, voilà. Les artistes aussi. Moi, j'ai pas changé de slip depuis le début de RTL. Mais ça, c'est ça. Ça vous fait drôle de voir Chantal là-dessous en vrai, hein, Pierre Bobby, j'imagine. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça me fait. Ça me... J'ai beaucoup d'émotions. Oui. Vous la connaissiez? Oui. Elle vous fait rire? Oui, beaucoup. Ah, c'est pas vrai? Si. Vous voyez, Chantal? Oui, je sais. Elle a cette faculté à dire des vannes sans rigoler un poil et j'aime beaucoup ça. C'est, non, c'est un peu comme le musée Grévin, mais elle bouge encore un peu. Si tu la veux, on te la donne. Hein. Une question pour Agnès Legeleu, qui habite Reux, dans le Calvados. Elle peut être effrontée, elle peut être discrète, coquette, galante, baiseuse, enjouée, passionnée, majestueuse. De quoi s'agit-il? Pourquoi vous parlez de moi? Un animal. Non. Ça serait pas mon sexe. Femme, non, c'est pas une femme. Elle peut être tendre aussi, si vous préférez. À la viande, c'est de la viande. Non. C'est de la nourriture. Non plus. Une coiffure? Non. C'est pas une femme? Non. C'est homme. Quelque chose qu'on a sur le corps, type grain de beauté. Exact. Alors, presque. La mouche. La mouche. Bonne réponse de Karine Lemarchand. Mais comment vous savez ça? Posé sur ta bouche. Effectivement, une mouche sur le bout du nez, c'est une effrontée. Une mouche juste sous la lèvre, c'est une discrète. Au-dessus de la lèvre, c'est la coquette. Au coin de la bouche, c'est la baiseuse. Une mouche au milieu de la joue, c'est la galante. L'enjouée sur la pommette, la passionnée près de l'œil, la tendre sur le lobe de l'oreille et la majestueuse sur le front. Ah bon. Et la mélanome, c'est laquelle? Il n'y a pas la tsetse? Non, mais c'est vrai qu'on portait avant une on mouche. On s'en faisait, ah bah oui, c'est ça, c'était des fausses. C'est des fausses mouches. Ah ben, évidemment que c'est des fausses mouches. Ah bon, c'est pas sauf des... si vous sentez la merde. Ah, vous parlez de... Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est affreux. À la campagne, il y a beaucoup de mouches, Karine. Et puis maintenant, elles piquent. Ah bon? C'est des guêpes, ça. Non, il y a une mutation. C'est une catastrophe. Il y a une mutation maintenant de la mouche, avec la chaleur et tout ça, le changement climatique. Mmh. Et maintenant, il y a de plus en plus de mouches qui piquent, mais c'est insupportable. Moi, je fais des bons. Et moi, chez moi, enfin. Il y en a dans le football, c'est les mouches du coach. Et vous, monsieur de Chavannes, qu'est-ce que vous alliez dire? Des mouches qui pètent. C'est quoi ça, les mouches qui pètent? Moi, chez moi, il y a des mouches qui pètent, c'est un truc que j'ai jamais eu ça. Comment c'est des grosses, bah, c'est des, à la campagne, hein. C'est des grosses mouches. C'est sûr que ce sont pas des haricots. Mais c'était chez Chabat, elle est nulle, ça. Non, je te jure, c'est des mouches. Ça existe vraiment, la mouche qui pète? Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'est des mouches qui puent. 2-3 ans, c'est des mouches qui lâchent des... Mais non. Des tout petites, des tu petits mouilles. Non, elles sont posées sur la table basse, par exemple. C'est facile. C'est facile d'accuser des mouches. C'est pas quatre pattes pour suivre la mouche. En tout cas, moi, à chaque fois. Que oh non, mais je crois pas. À chaque fois que ça ne sent pas très bon et que je suis ou accompagné de quelqu'un, je dis regarde. Et à chaque fois, il y a une mouche. Qu'est-ce que je te dise? Voilà. C'est drôle. Pas moi. Et tu dis ça quand t'es au lit et tout? Qui attirerait les mouches? Non, parce qu'au lit, c'est le chien. Mais votre chien qui vous regarde quand vous faites l'amour? Non, ça va pas, il regarde pas, on lui met des lunettes d'avion. C'est curieux à la maison chez De Chavannes quand même. Ouais. Donc on s'éclate. Il ne regarde pas, il participe. Et vous m'avez pas demandé. Et quand je pense que pendant ce temps-là, la fille révise le bac. Oh non, je vous en prie. La mouche qui pète, j'ai jamais entendu. Eh ben oui, ben voilà, vous apprenez un truc dans l'année. Voilà. En tout cas, moi je trouve que l'époque où on se faisait des petites mouches pour séduire. Je trouve ça ignoble. Avec une intention particulière, je trouve ça plutôt sexy. Ah, je trouve ça ignoble. Vous savez avec quoi je faisais ça quand j'étais enfant, moi? Avec les bigorneaux, on faisait ça. On s'amusait, on mangeait des bigorneaux et on prenait le petit truc et hop, on se faisait une petite mouche. Vous étiez déjà bizarre. Alors moi, je mettais une huître dans le nez. Oui, moi aussi. Et une moule dans le slip. Les grosses têtes sur RTL. Et si vous tombiez dans le coma? Le coma des mortels. Un coma dont vous sortiriez avec une incroyable envie de tuer. Le coma des mortels. Le coma des mortels, le plus assassin des romans de Maxime Chatham, chez Albin Michel. Chantier neuf ou réno pour les pros. C'est signé Signat. Des plaques de plâtre très résistantes pour les douches à l'italienne. C'est signé Signat. Des cloisons conformes aux normes acoustiques des écoles ou des hôpitaux. C'est signé Signat. Cloisons, plafonds, doublage, Signat fabrique des plaques de plâtre pour les pros. Retrouvez Signat chez vos distributeurs en matériaux ou sur signat.fr. RTL présente Muriel Robin, Michel Larocque, Pierre Palmade. Ils s'aiment depuis 20 ans. C'est pas compliqué, les trois couples, c'est Michel Pierre, Pierre Muriel et Michel Muriel. Je pense qu'il faut dire les noms de famille. Larocque Palmade, Palmade Robin et Robin Larocque. Parce que là, on dit les noms et les prénoms. Et puis l'adresse aussi. Enfin bon, c'est les 20 ans de l'ISM, on y sera tous les trois, deux par deux, point barre. À partir du 6 septembre à l'Olympia et en tournée dans toute la France. Faut juste qu'on arrête de s'engueuler. Ouais, faut le noter alors. Ok, je note. Avec RTL et France 2. Quand on est un vin du Val-de-Loire et que l'on voit la vie côté rosé, alors tous les mariages sont acceptés. Cabernet d'Anjou, c'est l'alliance réussie de notre onde et acidulée avec des recettes apéritives aussi bien sucrées que salées. Alors vous aussi variez les saveurs et osez un Cabernet d'Anjou salade de fruits pour voir sa robe rose, framboise, tournoyée ou un Cabernet d'Anjou verrine de saumon pour goûter à ses reflets saumonés. Avec Cabernet d'Anjou, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. La valise RTL vous tend ses poignets, alors pour gagner son contenu, inscrivez-vous RTL.fr encore par SMS 74 900 code valise. RTL. La valise. Une toute nouvelle valise, 1120 euros dans la valise RTL, elle a été gagnée c'est bien, hier. C'est bien. Et j'ai glissé en plus le livre de Jacques Expert. Hortense, notre directeur, a écrit... Oui, ça... Oh, quel bon livre. Franchement, je l'ai lu, qu'est-ce que c'est bien. Ouais. Je ne l'ai pas lu, mais je suis sûr que c'est formidable. Ah bah oui, il a écrit un nouveau polar pour l'été. Hortense passionne déjà les foules sur la plage. Le livre de Jacques Expert est dans la valise. Mais attention, Julien Courbet aussi a ajouté quelque chose ce matin. Une plancha Simogas, édition limitée, France 2016. Qu'est-ce que c'est une plancha Simogas? Elle vient tout droit de Barcelone. C'est le berceau de la plancha, évidemment. Ah oui, oui, bien sûr. Simogas. Et elle est réputée pour son excellence. Mettez du soleil dans votre cuisine avec les planchas Simogas. Vérifiez sur simogas.com. Je ne sais pas du tout de quoi je parle. Ah, c'est très bien, une plancha. Pour ne pas faire griller le livre de Jacques Expert. Ah non, évidemment. Vous mettez la viande. Il fait des bons bouquins, Jacques Expert. Ah bah, non, non, mais sans lui mouiller à compresse. Et il a été adapté à la télévision pour un film qui a fait un succès absolument énorme. Chantal, c'est à vous que je vais confier la valise. Absolument. Alors la valise, allô la valise. Donc je vais appeler quelqu'un. Exactement. Alors on répète. Oh non, c'est pas possible, Chantal. À chaque fois, Laurent vous dit exactement tout ce que vous devez faire. Mais c'est la dernière fois qu'on répète. C'est pas possible. Alors allez-y. C'est la fin de l'année. Hein. Je vais le marquer. Alors la dernière fois, un numéro entre 1 et 20. Bon, ça, je peux demander à Pierre Boubi, hein, parce que c'est un peu le puceau de l'année, là. Alors, un numéro entre 1 et 20. 17. Alors, le numéro 17. Vous vous notez le nom, hein, Chantal. Je note le nom. Il s'agit de Jérémy Basti, qui habite Marseille. Ah, on va appeler Marseille. Jérémy Basti va peut-être décrocher. Et là, qu'est-ce que vous faites quand il décroche? Bonjour, Jérémy Basti. Voilà. Comment allez-vous? Voilà. Avez-vous noté ce qu'il y a dans la valise? Non, d'abord vous vous présentez, vous dites... Je me présente, Chantal. Je m'appelle Chantal Latsou. Voilà. Je suis à RTL aux grosses têtes. Tout ça dans l'ordre, ça sonne, ça va décrocher. Jérémy Basti. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour Jérémy. Bonjour Chantal Latsou. Oh! Alors ça, je dois dire... C'est incroyable, hein. Bravo. Comment vous avez fait pour me deviner? Je vous écoute tous les jours, et puis Chantal là-dessous est reconnaissable. Ben oui, C'est gentil, vous vivez avec moi, en fait. Et alors, combien il y a dans la valise? Ah, vous l'imitez pas mal, hein. Il y a un petit peu de chatement. Vous avez noté la valise, j'espère. Alors, la valise, oui, je retrouve mon petit papier, je vous dis ça. Ah ben, dépêchez-vous. Quel âge il a, le gamin, là? Il est trop mignon. Quel âge vous avez, jeune homme? 32 ans. Ah, c'est bien. Et 4 dehors. Il n'est plus vraiment gamin. Non. Un gamin de 32 ans, dis donc. Non, mais il avait une voix jeune. Jeune, 32 ans. Votre bac. Il faut vraiment que vous en ayez 70 pour penser ça, Christophe. Non, mais il avait une voix jeune, je disais. Oui, il avait une voix jeune. Christophe de Chavannes, je reconnais. Bonjour, Jérémy. Vous reconnaissez tout le monde, alors? Non, non. Je vous écoute depuis très longtemps, depuis un moment, et depuis que vous êtes revenu, c'est encore plus amusant avec la valise, justement. Eh ben super, ouais. Jérémy. Alors, combien dans la valise? Vous le faites bien, Laurent. Alors, dans la valise, il y a 1120 euros. Oui. Un livre Hortense de Jacques Expert, édition Sonatine. Ah, formidable. Oui. Très bon bouquin. Et Julien Courbet qui a placé ce matin une plancha Simogas. Écoutez, alors là, c'est super. Vous avez gagné la valise RTL. Merci. Qu'est-ce que vous faites comme métier, jeune homme? Enfin, monsieur. Je travaille pour un fournisseur d'accès Internet et là, je suis en intervention. Enfin, tu travailles. Excuse-moi, pour connaître la valise, faut quand même écouter la radio au permanent. Ah, ben le soir, sur le trajet, j'écoute RTL et le matin, j'écoute aussi. Bravo, Jérémy, vraiment. Ah ben oui, parce qu'il fallait avoir écouté Julien Courbet ce matin pour quand même savoir qu'une plancha Simogas avait été rajoutée en plus des 1120 euros et du livre de Jacques Expert, Hortense. Vous aviez même noté l'éditeur. Alors là, bravo, bravo, Jérémy. Il faut que je le voie, Julien Courbet, moi. Oui. C'est une bonne revanche parce que vous m'aviez appelé pour défier les grosses têtes et malheureusement, j'avais perdu. Ah, je me souviens. Si. J'étais là, n'est-ce pas, Jérémy? Non. Lui, il se souvient pas. Lui, il se souvient pas. Moi, je me souviens. Et c'est grâce à Chantal Latsou et Pierre Boubi, notre footballeur, qui a désigné le numéro 17. Et un footballeur qui est finalement porte-chance à un Marseillais, c'est plutôt logique. Samedi, c'est Jérémy Baston. Ouais, c'était atroce. Vous étiez sur la Canebière, là, ou au vélodrome pour ce qui s'est... Non, justement, je l'ai évité parce que je m'attendais à ce genre d'événement. Si on s'en compte que... Vous pouvez la balancer, cela. Non, mais tu te rends compte que les mecs, ils font le voyage juste pour ça, les Ruskov, quoi. Ceux qui sont venus à Marseille n'étaient pas forcément alcoolisés au moment des faits. Comment ça? Ben, apparemment, il y en a qui viennent et qui sont même pas sous l'emprise de l'alcool pour aller se castagner, quoi. Ah oui, il n'y a pas besoin d'être bourré pour être violent. Moi, je pense que, si on suspend l'alcool, je suis pas sûr que ça règle grand chose. D'autant qu'on continue à en vendre dans les stades. Ça aide pas, l'alcool, c'est parce qu'il dit justement qu'il ne se saoule pas la gueule avant, parce que pour être bien clair, pour pouvoir castrer. J'ai croisé hier des Irlandais, ils avaient des sacs. Mais ils sont non violents. Des tonnes de bière. Oui, mais ils sont non violents. Oui, absolument. Ils sont non violents. Les Irlandais, ils foutent à poil sur des camions, c'est différent. Oui, mais ils sont non violents. J'en ai vu plein hier. Paris était absolument pourri ce matin. Jaune. Mais pas méchant pour canette, un sou. Ah, il paraît qu'à Montmartre, c'était chaud. Alors, c'est la fête de la bière. Près de chez moi, ils étaient partout, ils chantaient. C'était formidable. Qu'est-ce que vous allez faire avec 1120 euros, Jérémy? Probablement faire plaisir autour de moi et à ma fille. Ça, c'est sympa. Comment elle s'appelle, votre fille? Maëlle. Elle passe le bac demain? Non, elle a 5 ans. Ben non, il en a 30. Et lui, il en a 31. C'est pas comme vous. C'est pas vous avec votre fausse fille qui passe le brevet. Ben non, c'est pas une fausse fille. Ben si. Vous pouvez pas me faire croire que vous avez une fille qui passe le brevet, ma bille. Je suis peut-être un faux père, mais c'est ma vraie fille. Je peux pas croire ça. Elle a 14 ans. 15 ans. Je vous l'amènerai. Mais quel âge elle a, votre fille? Comment elle s'appelle? Elle a 15 ans. Comment elle s'appelle? Vous avez une fille de 15 ans. Il y a 15 ans, vous pouviez encore. Et comment elle s'appelle? Je peux encore aujourd'hui. C'est pas vrai. Il sait pas. Comment elle s'appelle? C'est extraordinaire. Moi, je vous aime, Bernard, vraiment. Vraiment, je vous aime, hein, vraiment, je vous jure. Mais je vous ai vu une fois à la télé avec Laurent avoir un blanc parce que vous aviez votre fille à côté. Mais non, mais j'ai 6 enfants, donc il faut Oui, tu m'étonnes. Bah oui, bah, il faut savoir que. 6 enfants. Exact. Moi, j'ai mon fils qui passe son brevet aussi. Ah oui? Ouais, on n'a pas le même âge. Lui. Ah, dis donc. Quel âge il a, votre fils? Il a 14 ans, il va avoir 15 ans. Là. Ah bah, vous voyez. Surdoué. J'aurais dû me mettre au foot. Peut-être vous pourrez. Mais alors, dites donc, un fils de footballeur, L'école, non. Non, bah voilà. Non, c'est compliqué. Il veut faire football aussi. Il aimerait bien. Vous êtes toujours là, Jérémy? Oui, je suis toujours là. C'est le fils de monsieur et madame Le Couvert? Oh non, Jérémy Le Couvert, c'est ça. Je ne te connaissais pas comme ça. Si, malheureusement, c'est son vrai jour. Le vernis craque. Quels sont vos chouchous, Jérémy Le Couvert? J'aime bien Laurent Baffy, j'aime bien Mabille. J'aime bien toutes les grosses têtes d'ordre général. Après, Chantal Latsou vient de vous citer. Chantal. Ah, d'accord. Si vous parliez pas en même temps, vous auriez entendu, Chantal. Vous auriez entendu ce qu'il vient de dire. Jérémy, je t'aime. Voilà. Il n'a pas cité de Chavannes. Hein. Il a bon goût, Jérémy. Vous avez gagné la valise RTL. Attends, excuse-moi. Il fait... Ça veut dire quoi, Jérémy? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Bonne journée quand même. 1120 euros, le livre de Jacques Expert, et une plancha arrive chez vous à Marseille. Bravo, Jérémy. Dans un instant, les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL. MAF Assurance, bonjour. Oui, je voudrais confirmation d'un bruit un peu fou qui court en ce moment. Je vous écoute. Imaginez-vous qu'on dit que la MAF offre 2 mois gratuits pour mon nouveau contrat auto, souscrit avant le 24 juillet 2016. Vous vous rendez compte? Bah c'est vrai. Vrai? 2 mois gratuits? C'est ça. Pour votre nouveau contrat auto ou moto souscrit avant le 24 juillet 2016. 2 mois gratuits, Miss MAF, vous êtes impayable. C'est la MAF. Conditions sur maf.fr et dans les agences MAF. Tiens, tu peux venir s'il te plaît. Il faut décharger les 6 sacs de ciment. Ciment ? C'est qui Simon ? Bien essayé. En attendant, les sacs de ciment, ça ne se décharge pas tout seul. Mais bonne nouvelle, à partir de 149 euros par mois, vous les chargez dans votre utilitaire Volkswagen, incluant la solution de mobilité CarePort Pro. Une offre qui comprend tout, ou presque. Location longue durée 48 mois, 40 000 km, à partir de 149 euros hors taxe sans apport pour un caddie van jusqu'au 31 août 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Solution CarePort Pro également disponible sur Transporter, Crafter et Amarok. Informations sur volkswagen-utilitaire.fr. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français enfin, un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août, Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. RTL, première radio de France. Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 17h. Les infos Marie Guerrier. La CGT Force Ouvrière et Solidaire parle d'un million de manifestants dans la rue cet après-midi contre la loi travail. Mais ce que l'on retient pour l'instant à Paris, ce sont les violents incidents, 15 interpellations et des blessés, 6 chez les manifestants et 20 parmi les forces de l'ordre. Éric Vanier, vous êtes dans cette manifestation pour RTL à Paris. Ça a dégénéré en fait dès le début de l'après-midi. Oui, absolument. Dès le début de la manifestation, scénario classique, des centaines de manifestants se sont placés à l'avant du cortège officiel et très vite ont provoqué les forces de l'ordre. Jets de pierre, slogans anti-police, pétards, destruction de mobilier urbain. Et ça a continué comme ça pendant plus de 2 heures tout au long du parcours. Les casseurs encagoulés s'agitant dans tous les sens, les forces de l'ordre essayant de les contenir avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes, jusqu'à l'esplanade des Invalides, où la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Ça reste très tendu. Il y a toujours des jets de gaz lacrymogène et un camion à eau a pris position, prêt à entrer en action. Alors, c'est dommage parce que, au plan syndical, cette manifestation qui a drainé des manifestants de toute la France est un vrai succès. Des dizaines et des dizaines de milliers de personnes étaient dans la rue, sans doute pas un million, comme l'a dit la CGT et Solidaire. On attend le chiffre officiel de la préfecture de police, mais c'était effectivement une forte démonstration de force des opposants à la loi travail. Ça se serait bien passé sans les casseurs qui ont un peu gâché cette démonstration que voulait la CGT. Autour de moi, il continue d'y avoir des nuages de gaz lacrymogène. Merci beaucoup Éric Vanier. Donc cette manifestation qui est arrivée aux Invalides à Paris. Les défilés en région ont rassemblé des milliers de manifestants à Marseille, Lyon, Toulouse, Rennes, Tours. Et 7 personnes ont été interpellées à Bordeaux, nous signale Philippe de Maria pour RTL. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi bien sûr le double assassinat d'un policier et de sa compagne à Magnanville dans les Yvelines. Le tueur, Larossi Abala, a dit aux négociateurs du raid avant d'être abattu la nuit dernière qu'il avait prêté allégeance à l'État islamique il y a 3 semaines et qu'il répondait aux ordres de Daesh, tuer des mécréants chez eux. Il savait très bien que sa victime était un policier et il avait avec lui une liste d'autres cibles potentielles, des rappeurs, des journalistes, des policiers et des personnalités publiques. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marie. La tragédie de Magnanville sera à la une d'RTL soir. Absolument, et le service police-justice de RTL répondra à toutes les questions qui se posent donc au lendemain de ce terrible drame. Nous aurons plusieurs invités, notamment le maire de Magnanville qui sera avec nous, mais aussi une docteure en psychopathologie qui nous dira comment le petit bonhomme de 3 ans qui assistait à la mort de ses parents, sous ses yeux donc, doit être pris en charge maintenant. À tout à l'heure donc Marc-Olivier dans RTL soir de 18h à 20h. En Provence, le feu qui ravage une forêt à Ventabrin a déjà parcouru plus de 100 hectares. 11 bombardiers d'eau et 200 pompiers sont mobilisés. 2 départementales sont coupées et le trafic TGV est très retardé, nous dit Étienne Baudu à Marseille pour RTL. 43 supporters de foot russes sont en garde à vue. Ils ont été interpellés dans les Alpes-Maritimes et risquent l'expulsion. C'est la suite des violences de samedi à Marseille en marge de l'Euro. L'équipe de France de foot vient de s'installer à Marseille où elle jouera demain son 2e match de l'Euro contre l'Albanie. Dans 1 heure, coup d'envoi d'Autriche-Hongrie à Bordeaux. Et à 21h, ce sera le Portugal face à l'Islande à Saint-Étienne. Les pronostics, c'est avec vous Thibaut Geffrotin. On est à 4h du coup d'envoi de ce Portugal-Islande. Ce sera à 21h à vivre en direct sur RTL l'entrée en lice des Portugais favoris pour cette rencontre avec une cote de 1,45. Le match nul est à 4,30 et la victoire de l'Islande à 9,25, cote sujette à évolution. Une équipe portugaise portée quasiment entièrement par son immense star Cristiano Ronaldo. Le numéro 7 du Real Madrid portera le maillot du Portugal pour la 127e fois. C'est son 4e championnat d'Europe et il rêve de soulever enfin le trophée. 3e meilleur buteur de l'histoire de la compétition, il pourrait rejoindre, voire dépasser Michel Platini en tête de ce classement s'il inscrivait 3 buts ou plus. Plusieurs joueurs de Ligue 1 au Portugal, les monégasques Ricardo Carvalho et Moutinho, le lorientais Guerreiro et le lillois Eder. Prochain rendez-vous pronostic, notez-le 20h15 dans RTL Grand Soir d'Euro avec Christophe Paco. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Il est 17h04, vous êtes sur RTL, c'est la suite des grosses têtes avec Laurent Ruquier. RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Chantal Latsou, Karine Lemarchand, Christophe de Chavannes, Bernard Mabille, Pierre Boubi et Gérard Jugnot. Une question pour Jérémy Bax, qui habite Touques, c'est dans le Calvados. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je sais pas, toutes ces onomatopées me font rire. Monsieur Bax de Touques, dans le Calvados. Voilà, à vos souhaits. Voici la question. Où trouve-t-on un secrétaire intime, un prince de Jérusalem, un grand pontife sublime écossais et un prince de Mercy? Dans un film? Ouais. Non. Dans une bande dessinée? Non plus. Dans un musée? Dans un film, non. Dans un musée, non. Une chanson? Une chanson, non. Une série télé? Une série télé, non. Est-ce qu'il s'agit quelque chose de créatif, de fictionné? Non. Ah, dans la vérité, donc. C'est réel. Une république? Une république, non. Redites les noms. Bien sûr. Où trouve-t-on un secrétaire intime, un prince de Jérusalem, un grand pontife sublime écossais ou même un prince de Mercy? Dans un musée? Dans un musée, non. Dans un royaume? Dans un royaume, pas tout à fait. Dans un petit royaume? Une principauté? C'est l'imaginaire? C'est réel. Non, c'est pas fiction. Monaco. C'était une réunion? Alors, on peut dire ça. Réunion politique. Réunion politique. Les francs-maçons? Chez les francs-maçons. Bonne réponse de Gérard Jugnot, aidé par Pierre Boubi. Première passe. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Ce sont des rangs, en fait. Oui, oui. Dans la franc-maçonnerie, vous avez une hiérarchie de 33 degrés. Et vous avez effectivement l'apprenti, le compagnon, le maître secret, le maître parfait, le secrétaire intime. Je vais pas vous faire les 33 degrés. Mais il y a dedans prince de Jérusalem, chevalier prussien, chef du tabernacle, prince du tabernacle. C'est drôle, prince de Mercy. C'est parce que vous êtes franc-maçon que vous avez trouvé Gérard Jugnot? Non. Est-ce qu'il y a des francs-maçons, grosse tête? On n'a pas le droit de le dire. Les vrais francs-maçons l'ont pas dit. Maintenant, on a le droit de le dire. On a le droit de le dire, mais on n'a pas le droit de dénoncer quelqu'un. Ils ne se vendent pas, en général. Hein. Bernard, vous n'êtes pas franc-maçon? Non, moi je suis un franc-salo. Ah si, dans la République. Vous n'êtes pas chef du tabernacle, Bernard? Non. Même pas prince du tabernacle? Non, ni prince de Jérusalem. Si j'y étais, je serais petit maître. Ah oui? Ben oui. Vous devez être franc-maçon, je suis sûr. Mais non. De Chavannes, vous ne voulez pas le dire. C'est terrible parce qu'il faut faire une année sans parler. Comment ça, une année sans parler? Oui. Bah, que tu es en réunion, t'as pas le droit de parler. Voilà. Et le plus grand, c'est quoi? C'est grand maître? Oui, grand maître. Non. Souverain grand inspecteur général. Oh. Oui, ça, c'est aux impôts. Sublime prince du royal secret. Oh, c'est ridicule. Ah non, c'est bonjour, pas bien. Je suis sublime prince du royal secret. Et je me mets une petite mouche avant d'aller en réunion. Je trouve ça très bien. Vénérable grand maître de toutes les loges. Ah, j'adore quand on m'appelle ça. C'est joli, ça. Ouais. C'est chef concierge. Vous n'êtes pas franc-maçon, monsieur Boubi? Non, je suis pas franc-maçon. Mais il paraît qu'il y a un petit signe quand on serre la main. Oui, on gratouille un peu l'intérieur. C'est vrai ou pas, ça? Oui, c'est vrai. Ça veut dire aussi, j'en ai aussi. On se touche les boules et on se sent après. Ça, c'est quand on est apprenti. À ce propos, vous avez vu là que monsieur Sepp Blatter, l'ex-président de la fédération, il a balancé. Ouais. Il a révélé que lors des tirages au sort, il y avait des boules chaudes et des boules froides. Ouais. Ah, c'est comme ça? Ouais, tu mets la main dans le bol et selon qu'elle est froide ou chaude, tu tombais sur tel ou tel. Il mettait les boules au réfrigérateur, pas les siennes. les boules qui représentaient les clubs. Et par exemple, le type ou la nana qui tirait les boules savait que si elle tirait une boule froide, ce serait l'Italie. Si elle tirait une boule chaude, ce serait la France. Thierry Roland me l'avait raconté il y a 10 ans, ça. Ah, c'est vrai? Ça se fait depuis toujours. Les boules chaudes et froides. Pas depuis l'invention du congélateur. Et pourquoi vous n'avez pas donné la réponse? Ben, il n'y avait pas de question. Il a raison. Une question pour monsieur. Il est fou, De Chavannes. De Chavannes est fou. Une question pour Richard Franck de Saucer-les-Pins. C'est dans les C'est dans les Bouches-du-Rhône. Comment s'appelait le chat de John Lennon? Yoko Ono. Imagine. Non. C'est une chanson. C'est un nom de chanson. C'est pas un nom de chanson. C'est un nom de chanteur. Exact. Un Paul. Non. Dick Rivers. Non. Non, c'est un blues. Parce que c'était un nom d'un autre Beatle. C'est un. Pas le nom d'un autre Beatle. Bo Diddley. Comme vous dites. Ah, pardon. Diddley. Diddley. Non. Elvis. Elvis. Elvis. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Putain. Putain, j'en ai fait une dans l'année, dis donc. Le chat de John Lennon s'appelait Elvis. Oh, c'est rigolo. C'est rigolo. Et savez comment le chien de Jules Verne s'appelait? Nemo. Satellite. C'est joli quand même. Ah, le chien de Jules Verne. J'ai là tous les noms de chats et de chiens. Est-ce que vous savez comment s'appelle mon chien? Vous avez Adèle? Frigo. Non. Allez-y. C'est un nom de chanteur. Vous, votre chien? S'appelle un nom de chanteur, un rappeur. Franck Michael. Non. Un rappeur. Un rappeur. MC Solar. Non. Gynéco. Non. Akhenaton. Games. Shady s'appelle. Ah. Shady. C'est Eminem. Pourquoi vous c'est son pas... vrai nom, Shady Eminem. Oui, c'est vrai, exact. Et pourquoi vous ne l'avez pas appelé Eminem tout directement? Bah ouais, c'est ma fille plus. Qui aimait bien Eminem et elle l'appelait Shady. Une année en S. Voilà. Même pas. Toi qui as joué avec elle, tu sais comment s'appelle le chien d'Anémone? Turlute. Non. Clito. Ah non, mais elle a eu Turlute avant. Ah bon? Ah. Elle a eu Turlute et Clito. Anémone, je suis sûr, elle venait oui, sur les plateaux. Oui, Turlute, c'est vrai. Chose. Elle venait avec son chien qui s'appelait Turlute. Vous êtes sûr que c'est pas vous qui l'avez transformé en Clito? Peut-être, alors. Moi, ma voiture s'appelait Clito, c'est une Renault Clito. et Dieu sait qu'il y en a eu des Turlutes à l'intérieur. Je connais une dame qui avait deux chiens, deux beaux lévriers. Il y en a un qui s'appelait Va-t'en du tapis et l'autre et toi aussi. Ouais. C'est Coluche qui disait que jusqu'à 14 ans, il croyait qu'il s'appelait ta gueule, non? Bah nous, un jour, on avait un agriculteur, c'est moins drôle, qui appelait son chien Bougnoul. Ah, c'est très drôle, oui. Et donc, on lui a dit, ça va pas être possible, c'est dans le programme. Ah oui. Donc, il l'a appelé Max, et le chien ne s'est jamais retourné en une semaine de tournage. Oh, jusqu'à 18h, les grosses têtes sur RTL. Bon plan, entretien auto. Euro répare car service, il y en a forcément un à côté de chez vous. Ah, moi, pour les vacances, tout est prêt. Enfin, sauf ma voiture. Alors là, je te donne un bon plan. Chez Eurorépar Car Service, ils ont des forfaits à partir de 59€ pour toutes les marques. 59€? Oui, vidange, freinage, clim, c'est toute l'année à partir de 59€. Et en plus, je vais te dire, le service est top. Eurorépar Car Service, l'entretien auto toute marque. Rendez-vous et devis en ligne sur eurorépar.fr. Réservé aux particuliers, conditions sur eurorépar.fr. Carrefour, à vos côtés avec les bleus. Franck, t'es prêt pour aller faire les courses? Ah, carrément, j'ai mon maquillage bleu blanc rouge et ma perruque de supporter des bleus. Mais qu'est-ce que vous faites comme ça? Eh ben demain, si tu viens chez Carrefour habillé en supporter des bleus entre 14h et 20h, tu peux gagner tes courses. Et ceux qui seront pas en bleu, ils vont être verts. Venez habillé en supporter des bleus dans votre hypermarché Carrefour demain entre 14h et 20h. Il y a un plein de courses à gagner par magasin et par heure. Carrefour, partenaire de l'équipe de France de football. Jeu avec obligation d'achat. Modalité règlement sur carrefour.fr. Carrefour. Pour les courses avec vous, Bernard Glass, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Pour l'arrivée du quintet, je vous rappelle la bonne combinaison, alors que le 8 était non partant et le 11, le 3, l'As, le 10 et le 6, le numéro plus 1449. La 7e, l'As et le 7 étaient non partant, victoire du 2, le Charme, 4,40 et 1,70 devant le 6 et le Goodbye, 1,70 et le 4 Duchesse de Launay, 2,30, 4e, le 8 et puis la 8e et dernière, où le 9 était non partant, a vu le succès du 4 Melozzo, 6,41,90 devant le 6 V6 Hit, 1,60 et le 8 Urazo de Barra, 2,20 placé, 4,6,8 la 8e et dernière. Les résultats complets, les pronostics pour demain, le répondeur 32,10 et le site onrefaitlescourses.fr. Et comme d'habitude, pour demain? Eh ben, on va essayer d'être meilleur que d'habitude, puisque Zlatan a eu un petit problème de jambe cet après-midi sur l'hippodrome de Nantes. Oui, il n'était pas au top. Et ben, je vous propose Jeannot après Zlatan, Jeannot Lapin, Jeannot de Nonan, qui court le quintet de demain sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est là, c'est, j'espère qu'il sera honneur à votre sagacité, ma chère Isabelle. Écoute, on va essayer, on verra ça demain. Hein. Ouais, alors, on verra demain, ça. Demain. À demain. Allez, nous retrouvons les grosses têtes. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. On a de jeunes auditeurs au téléphone en ce moment. Oui. Pierre a 22 ans, il habite Versailles. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Bonjour Pierre, ça vous va avez, vous avez un joli nom, dites donc Pierre Depin. Oui. Depince, on prononce le S. Oh, Depince, pardon, excusez-moi. Pardon. Pierre Depince. De crabe. Vous auriez dû vous prénommer Omar. Qu'est-ce on me l'a déjà fait. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre? Je suis étudiant en architecture et en ce moment je travaille dans une agence. J'ai d'ailleurs toute l'agence devant moi qui attend. Vous avez du pot, Pierre. Ah oh, bah vous non. Pardon. En plus, il joue, il a peut-être gagné, comme ça il aura des sous, Pierre. À moins qu'il soit un tout petit peu près des siens, comme ça, ce sera. Il paraît que c'est un rat, Pierre. C'est un festival. Il est sur l'autoroute, là. Il a deux pinces. Mais il faut dire que c'est normal de lui faire tout ça parce qu'il connaît pas toutes ces blagues. Parce que, on l'a jamais faite. Bah non, il a 22 ans seulement, c'est l'âge de Pierre. c'est bien, Laurent, c'est bien. Alors, Pierre. Oui. Vous allez jouer, attention, pour un voyage magnifique au Luxembourg. C'est d'abord qu'on commence toujours par une blague. Mais non, je vous jure que c'est vrai. Vous ne est-ce qu'il y a des antidépresseurs avec Oui, c'est ça, oui. Vous n'êtes pas allergique au soleil. Ah, vous y êtes allé aussi. Ah oui, moi je suis allé une fois faire un gala à Luxembourg. Non, non, mais là, attention, c'est un magnifique hôtel. Ah d'accord, autant pour moi. L'hôtel romantique Bel Air Sport en Wellness. Ah oui, ah, bah, là c'est autre chose. Ah, oui, là c'est... Là, on ne dit pas je vais au Luxembourg, on dit je vais au Luco. C'est un hôtel qui est habitué à accueillir Henry Kissinger, Willy Brandt, Mireille Mathieu. Oh putain. Super, la puce. Que des morts, sauf soirée Mireille. Avec Mireille Mathieu. Si vous arrivez à l'hôtel, vous partez vite. L'hôtel Bel Air Sport et Wellness est situé au cœur d'un parc de 4 hectares et d'une forêt traversée par de nombreux chemins. Ça tombe bien pour une forêt. L'ancienne ville de Luxembourg... Il y a des arbres. L'ancienne ville de Luxembourg, Echternach, est accessible à pied par une petite promenade le long de la forêt. Putain. Et puis, vous aurez accès au spa, les jardins du Nil. C'est pour vous faire rêver comme si vous étiez en Égypte. Il y a une île ? Non, les jardins du Nil. Ah, pardon. Avec sa piscine d'eau de source, son sauna, ses bains vapeurs aux herbes, son espace détente pour faire du bien à votre esprit et à votre corps. Un repas au restaurant de l'hôtel pour découvrir une cuisine moderne de spécialité luxembourgeoise. Ah, ça c'est... Hôtelbelair.elu. Vous allez gagner de toute façon. C'est vraiment très facile la question que je vais vous poser. Ah oui, c'est lié à l'Euro 2016. Au match que vous pourrez peut-être regarder ce soir. Qui surnomme-t-on CR7 ? Cristiano Ronaldo. Eh oui, Cristiano Ronaldo, bravo, gagné. C'est celui qui est beau, là, qui a le corps. C'est Ronaldo, c'est celui qui a un corps de ouf, là, ouais, qui vend son corps partout, c'est ça, c'est et lui. Oui, il est en slip sur toutes les photos. Et je me dis, pourquoi pas moi ? Ah ben non. Et ben non. c'est exactement ça. C'est, faut dire, l'idole du Portugal. Et l'équipe titre même ce matin, il est le Portugal. Oh là là. Tout en bas, en cache pas. Est-ce que tous les footballeurs font comme Cristiano Ronaldo ? Par exemple, vous avez une coupe de cheveux tout à fait particulière. Footballeur, ouais, je suis allé chez le coiffeur avant de venir quand même. C'est vrai, c'est court sur le côté et long sur le dessus. De toi, dis donc. Je peux pas faire ça. Ouais. Court de toi, c'est court dessus c'est et large sur le côté. Et si je veux faire un coiffeur footballeur, je suis chauve. Enfin, je suis pas faux. Mais pourquoi vous faites ces coupes-là alors ? Parce qu'il y a que ça qui nous va, peut-être. Non, c'est une mode. Pour les têtes. Ils se la pètent pas un peu, les footballeurs. Si, un peu, non ? Mais on met pas de natte, nous. Ça va avec la Ah, il est très sol physique, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est pas fait. Moi, j'ai joué un peu au foot, ça fait très mal. Hein. Ouais, faut taper là pour pas que ça fasse mal. Et même le terrain, c'est très dur. Mais t'as joué avec des boules de pétanque. Le terrain est dur, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Moi, j'ai joué au Parc des Princes. Quand on tombe, c'est dur hein, quand même. Quand on tombe, sur c'est l'herbe. Dur. Ouais, sur bah, c'est le sol, quoi. Ça fait mal quand on tombe. C'est pas dur, l'herbe aussi. Bah non, moi je trouve pas non plus. Non. Bah, ça dépend de l'herbe. T'es un peu chochotte, Gérard. T'es pas douillet. Hein, depuis que tu mets les cerises autour de tes oreilles. Écoute, j'en parle avec mon ostéopathe. Bah, parle-en plutôt au psy. Pierre, vous partez pour le Luxembourg en attendant. Oui. Grâce. Laurent. Wow. Oui, je voulais juste vous dire, ça fait très longtemps que je vous écoute, je vous écoutais avant sur l'autre chaîne, et bah, grâce à vous, par votre passage aux grosses têtes, j'ai pu passer les nuits vachement plus vite, et vu qu'il n'y a pas assez d'émissions, on écoute même les vieilles émissions des années 80, et grâce à vous, du coup, j'ai découvert Jean-Yann et Jacques Martin. Ah bah, et vous voyez, formidable. C'est absolument extraordinaire, l'humour de ces deux hommes, et même de tous les autres. Donc je suis très déçu que Claude Sarraute, qui était là hier, ne soit pas là aujourd'hui, parce que quand elle se faisait, lâcher, comme on dit aujourd'hui, par Olivier bon week-end à Luxembourg. Vous avez une très belle voix en tout cas. Oui, vous avez une très jolie voix. Merci beaucoup. Vous avez c'est quand même le pays de RTL. Luxembourg, c'est notre pays. Notre patrie même. Notre patrie. C'est eux qui nous payent. Donc vive le Luxembourg. Ah, et joli. Alors là, à ce propos, j'aimerais bien. Et joli séjour là-bas. Pierre, on est content en tout cas que vous ayez redécouvert les grosses têtes grâce à nous. Dans un instant, les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL. Bonjour. Et Pierre, ce n'est pas tout. Vous gagnez grâce à Interfel une centrifugeuse Juice and Smooth à l'occasion de la fête des fruits et légumes frais. Bravo à vous, Pierre. Dans un instant,

Ça, c'est vous parler de vous, là, en disant ça. Ça se passe aux États-Unis. Ah oui, ça se passe à Los Angeles, pour être précis, le 30 juillet prochain. Ah, c'est une course. C'est une remise de prix. Du tout. C'est le premier épisode d'une série en non direct. Plus. C'est une course de chiens. La chaîne Fox. Non, c'est une course de renards, si c'est sur Fox. La chaîne Fox a décidé de diffuser cet événement en différé, au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. Une élection de Miss. Non. Un concours de t-shirts mouillés. Non, si vous avez lu Le Parisien aujourd'hui, hein, franchement, c'est une page entière. Non, mais excusez-nous. Bah, mais c'est par sécurité qu'ils prennent... Par sécurité. Oui, c'est ça, c'est pour pas qu'il y ait un événement grave. Voilà. Un meeting aérien. C'est sportif. Hein. Alors, ah non, c'est le type qui saute sans parachute. Ah voilà. C'est le type qui va sauter sans parachute. Bonne réponse de Gérard Junior. Mais tu as lu Le Parisien. J'ai lu Le Parisien. Un saut de 7620 mètres. Le de fou. 30 juillet prochain. Il arrive dans un espèce de filet. Exactement, équipé d'une caméra, d'un masque à oxygène et d'oreillettes radio quand même pour être guidé. Il va plonger dans le vide à 7620 mètres sans parachute. Il y a des parachutistes qui le guident, je crois. Alors, c'est ça. Et puis, il y aura un filet quand même en bas. Ah, bon. Parce que moi, une épuisette. Je trouve que c'est pas du jeu, au fond. Il est attaché. Il y a un filet. Ben oui, il y a un filet. C'est vraiment une fiotte. Bon, alors attention, le filet n'est pas si grand que ça, il fait 30 mètres de large. Mais t'imagines, à 7000 mètres, 30 mètres, c'est. Non, mais c'est pour ça qu'il ne voit pas, il est guidé. Centimes. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans Le Parisien, on nous décrit tout ce qui va se passer. Avant qu'il meure. Sauf la fin. Avant qu'il meure. Et c'est pour ça qu'il passe le truc en différé. Bah, bien sûr, s'il meurt. On ne verra pas s'écraser si ça se passe mal. Donc, Fox, ils vont quand même filmer. Hein. Ça fait 7,6 km quand sinon, même. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Bravo, Chantal. Excellente analyse. Ah oui, bravo, Chantal. Ouais, effectivement. C'est plus que 6000 mètres, hein, Chantal. C'est un peu moins de 8. Non mais c'est vrai qu'on voit pas le filet. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'à 7 km, il peut pas voir le filet. Ah mais il peut rien voir du tout. Mais, non, mais surtout s'il y a du vent, quoi, ça peut. Ah mais il peut être déporté. Non mais il va orienter sa chute par des mouvements de son corps. Et puis après, il y aura 2 minutes de chute libre. Et avant d'atteindre le filet, il devra se retourner sur le dos pour que le filet absorbe au mieux l'impact. T'imagines le malade mental quand même. Vitesse à l'arrivée normalement 200 km/h. C'est la vitesse de chute d'un homme en chute libre. Alors ce qui est assez drôle, c'est que Le Parisien précise le filet est fabriqué avec du nylon solide. Bah oui. Ouais, c'est mieux. Hein. Bien joué, le Parisien. Ils ont essayé, ils ont fait des tests avec, De la laine. Lourd. Ils ont fait des tests avec de la laine. Sauf qu'il va remonter à 7000 mètres. Mais il y en a un qui a réussi, il n'y a pas si longtemps, là, en 2012. Un cascadeur britannique qui s'appelle Gary Connery. qui est cascadeur pour l'effet Harry Potter. Et il a fait le buzz, on peut voir ça sur Internet. En 2012, il s'est précipité dans le vide avec une aile dans le dos, ce qu'on appelle un wingsuit. Bon, oui, mais là, c'est un vrai truc, oui. Mais sans parachute, quand même. Excusez-moi, c'est la combinaison. Lorsque vous écartez les bras. Ouais. Entre vos bras et le corps, un turbo. Et il passe entre les falaises Fait une aile. Et ben, sauf qu'il a sauté sans parachuter avec ça depuis un hélicoptère à 731 mètres des champs de la campagne anglaise et il s'est réceptionné en douceur, sain et sauf, dans une montagne de 18 000 boîtes de cartons de chaussures. Ah ben, ils avaient enlevé les godasses. Hein. C'est pas les cartons de chaussures, c'est les cartons pour les cascadeurs, c'est beaucoup plus. Non, c'est les cartons de chaussures. Ah oui, oui. Bah, quand il y en a 18 000. Quelle marque, C'est ça, parce qu'il y a les cartons de chaussures. Ah ben, quand il est tombé, il est arrivé. Non, mais c'est bon, quelqu'un qui veut voler, je trouve. Ah oui. Je l'ai fait dans un Monoprix, je me suis fait piquer. Hein. Je vous vois bien, Bernard, dites donc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Avec un wingsuit. Le cirque de Gavarnie, une fois qu'il atterrit. Pas d'Irak. Qui a déjà sauté en parachute ici? Ah, regardez, personne, hein. Alors, même vous, Gérard? Non. C'est fait des conneries, mais pas ça. Non. Pour un film et tout, rien? Non. C'est un peu mon rêve de faire un double tandem en chute libre et voilà, j'ai envie de le faire. Je ferai, quoi. Tu veux qu'on le fasse? Ouais. franchement. T'as pas fait ça, toi? Non. Moi, je trouve que dans l'émission, vous faites souvent des sauts sans parachute. C'est pas impossible. Chantal, vous avez sauté en parachute, vous? Non, jamais. Non. Mon père aurait bien voulu que je fasse de l'aviation, mais j'ai eu peur. Ah oui? Il voulait que je passe mon permis d'avion. Vous planez, remarquez. Ouais, oui, évidemment. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. Sephora. Envie d'un teint à l'essence soleil, d'un smoky de star sans tapis rouge, de sourcils parfaits, ce n'est plus un rêve. Rien que pour vous, le Make-up Bar Sephora, c'est gratuit et sans rendez-vous. Le maquillage que vous voulez, quand vous voulez, avec de super pros à votre dispo. Et maintenant, à vous de jouer. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Leclerc. Papa, c'est toi qui as fait le plein de glace Ben & Jerry's ? Je veux, oui. Chez Leclerc, c'est la fête des surgelés. Avec des promos sur tout le rayon. 40% de réduction immédiate sur les Ben & Jerry's. Mais c'est génial, c'est mes préférés. Et je déclare ouverte la saison des glaces à la maison. C'est parce qu'on pense à tous les gourmands que du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pot de crème glacée Ben & Jerry's, 425 grammes, avec 40% de réduction immédiate, est à 2,24 euros, soit 5,27 euros le kilo après réduction. Vend modalité dans les magasins participants. Oh, celle-là, elle est trop bonne. Écoute-moi ça. Mmh. Pour votre santé, évitez de grignoter. Moi, j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Géant. C'est toujours le mois bien fait pour vous chez Géant. En ce moment, le poulet rôti fermier de 980 grammes minimum élevé en France et rôti dans nos rôtisseries est en promotion au rayon traiteur à 7,90 euros la pièce. Plus 330 grammes de délicieuses pommes de terre dorées à point offert. Géant pour tous les gourmets et gourmands. Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, bougez plus. Tiens, tu peux venir s'il te plaît. Il faut décharger les 6 sacs de ciment. Simon ? Ah, c'est qui Simon ? Bien essayé. En attendant, les sacs de ciment, ça ne se décharge pas tout seul. Mais bonne nouvelle, à partir de 149 euros par mois, vous les chargez dans votre utilitaire Volkswagen, incluant la solution de mobilité Careport Pro. Une offre qui comprend tout, ou presque. Location longue durée 48 mois, 40 000 km, à partir de 149 euros hors taxe sans apport pour un Cadivan jusqu'au 31 août 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Solution Careport Pro également disponible sur Transporter, Crafter et Amarok. Informations sur volkswagen-utilitaire.fr. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier avec cet après-midi Karine Lemarchand, Gérard Jugnot, Pierre Boubi, Christophe Dechavanne, Bernard Mabille et Chantal Latsou. Une citation pour Ludovic Guillemin qui habite Le Mets-sur-Seine, qui a dit « Si tout homme avait la possibilité d'assassiner clandestinement et à distance, l'humanité disparaîtrait en quelques minutes. » C'est un humoriste ? Un humoriste, non. Un homme politique ? Un homme politique, non. Non. Non, un artiste décédé ? Oh, quelqu'un qui est artiste, oui, mais qui n'est pas décédé. Un philosophe ? Ah. Enfin, artiste, tout le écrivain. Monde. Écrivain. Écrivain. Philosophe. Ouais, philosophe à sa façon, essayiste. Il publie toujours. Il publie toujours, il est dramaturge aussi. Il est français ? Il est, là, on va dire, émigré en France, mais pas d'origine française, et il a obtenu la nationalité française en 1981. Kundera ? Ah, ouais, Milan Kundera, bonne réponse de Gérard Jugnot. Très fort, Gérard. Une autre... Non, c'est vrai qu'on peut, on peut disserter deux secondes là-dessus. Parce que est-ce que tout le monde n'a pas, à un moment, adolescent ou enfant, eu cette pensée bizarre de se dire, et si on pouvait tuer de manière anonyme, impunie, etc. On pourrait peut-être poser une autre question, Laurent. Une question pour Bernard Kayama, qui a dit, de tous les hommes que je n'aime pas, mon mari est celui que je préfère. Marilyn Monroe ? Non. Une Française ? Alors, une Française, c'est une actrice. Ah, oh, une actrice... Non, elle était écrivaine. Elle décédée était... Or, ça pourrait être décédée, elle est décédée. Il y a même très longtemps. George Sand. Elle est décédée en 1817. Ah oui, c'est vieux. Femme connue ? Ah non, une femme connue, oui, autrement je ne vous poserais pas Marie la question. Marie Curie ? Ah, oh, Marie Curie, non, pas connue à ce point, quand même. Olympe de Gouges ? Comment vous dites ? Olympe de Gouges ? Ah non, elle n'est pas féministe à ce point non plus. Non. Diane de Pougy ? Non. Madame de Sévigné ? Madame de Sévigné, non. Hélène de Frugès ? Non. Elle s'était installée en Suisse, expulsée par Napoléon. Ah, la vache Milka. Non. Elle était interdite de séjour sur le sol français. Ah, parce qu'elle était pour des choses un peu. Pardon ? Mireille Mathieu. Non, pas Mireille Mathieu. Interdite de séjour par Napoléon Bonaparte. Pour des raisons politiques. Oui, il considérait qu'elle était un obstacle à sa politique. Alors, elle s'est installée en Suisse. Donc auteure, non seulement auteure, mais revendicatrice. Ah oui. Pamphlétaire. Pamphlétaire, elle a écrit des ouvrages historiques. On la lit encore ? Oh, je ne suis pas sûr qu'on la lise beaucoup. Non. Elle était noble, elle a un nom à particules ? Elle avait un nom à particules et effectivement, elle écrivait des essais philosophiques, intellectuels. On en parle encore en dehors des grosses têtes ? Oh, non, pas vraiment. Si, c'est plutôt aux grosses têtes qu'on n'en parle pas. Elle a une station de métro ? Ah non, pas quand même. Non. Une rue ? Écrivaine, philosophe française. Morte en quelle année, vous m'avez dit ? Oh, mais ça va vous aider, ça, Chantal, si, peut-être. Oui, je réfléchis quand même. Elle est morte le 14 juillet 1817. Est-ce qu'elle est morte à cause d'un mauvais feu d'artifice ? Non, je peux vous dire... Non, elle est morte d'une attaque de paralysie qui l'a terrassée au cours d'un bal que donnait le duc. Ah oui, c'est pas pratique en plus. Ça a quand même quelque chose à voir avec... par balle alors. Et, ouais, c'est ça. Elle était tuée par balle. Et d'ailleurs, ont été publiées ces quelques dernières pages d'un ouvrage donc publié de manière posthume qui s'appelle Considérations sur les principaux événements de la Révolution française. Et ça a fait un vide hein, quand elle est partie, ça a fait le trou de balle. Ouais, est-ce qu'on appelle Madame de quelque chose ? Oui, bien sûr. C'est Madame de quelque chose. Germaine, d'ailleurs, son prénom. Germaine de Soleil. Germaine de Sévignac. Non, écoutez. Madame de Mont quelque chose ? De mon cul. De mon cul. Non, pas de votre quelque chose. Non, Madame de. Mais attendez, Germaine. Vous connaissez, hein. Est-ce que son mari était connu ? Son mari, c'était un baron, le baron Éric Magnus de. Ambassadeur du roi Gustave III de Suède auprès de la cour de France à Versailles. Ah, c'est un Suédois. Alors. Il avait 17 ans de plus qu'elle. Oh. Ah, c'est un. Zlatan, Madame de Zlatan. Non. Germaine de. Madame de Volvo. Non. Et comme on dit chez Renault, rien de Volvo. Mais ils se sont séparés en 1800. C'est rare. Le baron et. Ah, la vache, à cette époque-là, c'était rare. Qu'est-ce qu'elle a fait, là ? Alors. Elle se tapait Napoléon. Ah, c'est ça, voilà. Elle a été favorable à la Révolution française et aux idéaux de 1789. Et puis elle s'est réfugiée en Suisse, interdite de séjour sur le sol français par Napoléon Bonaparte. Et comment gagnait-elle sa vie ? C'était une Madame II, elle était riche. Mais non, puisqu'ils étaient séparés. Non, mais elle était peut-être née d'eux aussi. Ah, elle était dotée. Elle était très riche, la femme. Ah, elle, elle avait une fortune. Pour être révolutionnaire, vous Madame Claude. Elle avait des putes là-bas en Suisse, non ? Elle a ouvert un petit boxon. Madame Claude. Oui, non, pourquoi pas ? Non, enfin, écoutez, sous la Révolution, Bernard. Excusez-moi, mais la Suisse, c'est grand. Où était-ce ? Genève, Lausanne ? À Genève, elle est morte à Genève. Ça commence par un S, Madame le quelque chose ? Non, d'ailleurs, elle est morte à Paris, tiens, pour des raisons. Ah, mais elle est revenue. Elle était interdite de séjour, mais vivante. Elle est morte dans un bal. Oui, elle est morte dans un bal. Un bal à Paris ? Oui. Bah, le 14 juillet, remarque, ça ne concerne pas trop les Suisses. Ah, elle est morte chez les pompiers, alors ? Non, écoutez, franchement. Alors, elle est morte chez les Poneuils. Chez Jo. De Stal. Germaine de Stal. Mais non. Mais c'est trop tard. Mais non. Ah non, vous l'avez pas dit. Non, si, j'ai dit. Ah non, juste avant le gong. Juste avant le gong. Et moi, je l'ai répété après le gong. Ouais. C'est vrai. Écoutez, franchement, on va accorder 300 euros à Bernard Caillava parce que vraiment, c'est au dernier moment que vous l'avez dit, Bernard. Donnez-lui l'argent. Germaine de Stal. Vous pouvez peut-être partager, non ? La gloire et le deuil éternel du bonheur. Alors, pourquoi vous la connaissez maintenant ? Vous la connaissiez pas il y a deux mois. De l'ensemble et sans reproche. Mais... Ben alors pourquoi vous avez oublié ? J'ai un trou. C'était bien Germaine de Stal. Bonne réponse de Bernard Mabille. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil ? Là, tout de suite ? Coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles ? Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Top, je suis un ustensile de cuisine composé d'une plaque en fonte émaillée qui chauffe à 350 degrés. Je préserve le goût des aliments et leur donne une saveur inimitable. Je suis... Une plancha ? C'est pas ça. Une plancha Eno ? Oui, une plancha Eno ! Eno, la plancha de qualité. Origine France garantie. Toute la gamme sur plancha-eno.com. France 2. Salut, c'est Garou. Salut, c'est Amanda Scott. Nous serons place du Capitole à Toulouse. Pour la fête de la musique le mardi 21 juin à 20h55 en direct sur France 2. Et retrouvez en live Christophe Maé, Pascal Obispo, Kenji Girac, Jane, Vianney, Célassou, iPhone et bien d'autres. La fête de la musique, c'est sur France 2 avec RTL. Vous trouvez qu'entretenir votre voiture, ça complique toujours votre journée ? Eh bien, Patrick, non. Ah non, moi, tout se déroule toujours comme prévu. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Patrick est chez Noroto. Et bien gérer son temps, c'est facile avec Noroto. Les délais annoncés sont respectés. Sinon, désormais, on vous rembourse la main-d'œuvre. Noroto. Conditions et exceptions en centre et sur noroto.fr. Grâce au prêt à consommer du Crédit Agricole à taux spécial Euro 2016, financez vos nouveaux équipements pour vivre la compétition à domicile. Ah bah voilà, c'est l'occasion de reparler du canapé. On avait dit la télé avant. Une belle télé, si on est mal assis, je vois pas l'intérêt. C'est pas faux. Télévision, meubles, déco. Avec le Crédit Agricole, découvrez les prêts à consommer pour vivre l'UEFA Euro 2016 à domicile. Crédit Agricole, partenaire de l'Euro 2016. Offre réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation par votre caisse régionale participante et prêteur. Voir conditions et limites au contrat, vous disposez d'un délai de rétractation. RTL, première radio de France. RTL. Bourse en direct sur RTL en partenariat avec les Échos et Investir. Nous retrouvons Sylvie Aubert. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Isabelle. Alors le marché voit la vie en rouge. Et oui, tout n'est pas rose en bourse en ce moment. Le CAC abandonne à l'instant 2,3%, 4130. Alors en l'espace de 3 séances, eh bien l'indice parisien est repassé sous le seuil des 4400 points, puis des 4300 et le voilà sous les 4200 points. Les marchés sont inquiets alors que l'on parle du référendum britannique depuis des mois. C'est seulement depuis le début de la semaine que la tension est montée. Il faut dire que les sondages sont nombreux à donner gagnant la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, ce qu'on appelle le Brexit. L'autre préoccupation des marchés, c'est la hausse des taux aux États-Unis. Certains experts pensent qu'il pourrait y en avoir deux relèvements de taux d'ici à la fin de l'année. La Fed pourrait prochainement d'ailleurs s'exprimer en ce sens. Alors le mouvement de fuite vers la qualité dont je vous parlais déjà hier et avant-hier, eh bien il se poursuit avec Action. Les boursiers se ruent sur les emprunts d'État et ça fait chuter les rendements. Et pour les emprunts à 10 ans allemands et français, eh bien les rendements sont négatifs désormais. Alors parmi les valeurs à Paris les plus affectées, on trouve encore les cycliques et les pétrolières, comme par exemple ArcelorMittal cyclique, les Peugeot, Renault, Total par exemple, 7, 3%. Aucune valeur du CAC n'est dans le vert ce soir, à signaler peut-être Danone qui ne perd que 0,5%. Et pour les hausses, eh bien il faut aller les chercher du côté des valeurs moyennes plutôt. Et par exemple, Nicox gagne 4%. Bonsoir Isabelle, à demain. Et à demain, bonne soirée Sylvie. RTL. Devinez qui est l'invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous m'entendez ? Très bien. Voix déformée, grosses têtes qui vous posent des questions, c'est le principe. À vous de répondre. Vous êtes un homme, hein ? Oui. Vous avez encore des cheveux sur la tête ? De moins en moins. Vous regardez la Coupe d'Europe ? De loin. Vous êtes de grande taille ? 1m78. Vous avez des enfants ? Deux. Une femme ? Une ex. Et le futur. Les enfants seraient en âge, par exemple, d'avoir un examen après-demain. Mon garçon a 20 ans. Ah oui, déjà pas mal. Ah donc, il n'y a plus un petit poulet de l'année. Il peut l'avoir eu très jeune, hein, tu sais. Il peut avoir 38 ans. C'est comme toi. Il n'est pas vieux non plus, notre invité mystère. Non, 20 ans, c'est pas très vieux, un enfant de 20 ans. Vous vous servez de votre voix dans votre métier ? Oui. Et votre fils veut faire le même métier que vous ? Pas pour l'instant. On vous voit physiquement dans votre métier ? Oui. Voici un premier indice musical. Ça vous rappelle quelque chose, ça, invité mystère ? La voix me dit quelque chose, oui. La voix vous dit quelque chose. Gilles Vartan. C'est Sylvie Vartan, non ? Ah non, c'est pas Sylvie Vartan. Ah, ça ressemblait. Vous aimez bien chanter ? Oui, professionnellement, oui. Vous avez des lunettes noires ? Non. Vous avez fait une émission de télé-réalité en musique ? De télécrochet, tu veux dire ? Non, ouais. Non. Enfin, est-ce que les vannes de Christophe de Chavannes vous font rire ? Certaines, oui. Ah ouais. Est-ce que les questions à la con de Bernard Mabille vous font rire ? Aussi. Est-ce que vous êtes aussi compositeur ? Oui. Pour d'autres personnes ? Surtout pour moi et de temps en temps pour nous. Ça vous est arrivé. Vous avez fait les Enfoirés ? Oui. Vous vous connaissez avec le gars Gégé ? Je crois que... Ah, c'est tout. Ouais, ça. Vous l'aimez pas. Chantal là-dessous pense à Benjamin Biolay. Êtes-vous Benjamin Biolay ? Voici un deuxième indice musical. C'est Nana Mouskouri qui chante. Ah. Vous êtes grec ? Êtes-vous grec ? Non, oui, je n'ai pas 15 ans. Ah, vous êtes martiniquais. Quel rapport ? Non, la nana de la Martinique. Non, mais elle chantait quelque chose de très précis, Nana Mouskouri. Ah. Si vous aviez écouté l'indice. Au bord de l'eau. C'est la musique, non ? C'est au bord de l'eau. Exact. Au bord de l'eau. C'est le titre d'un album du monsieur. Non. Vous aimez la pêche ? Pas vraiment. Vous habitez près de l'eau ? Vous êtes insulaire ? Oui. Vous êtes insulaire ? Oui. Vous êtes corse ? Ah, vous êtes corse. Vous êtes breton. Vous êtes breton. Moitié breton, mais ça n'a pas de rapport avec le côté insulaire. Et Antillais, Antillais. Antillais, non, il vous dit non, Christophe. On t'a dit non, Antillais. Oh. J'ai pas entendu en Antillais. Vous êtes de l'île de Ré ? Êtes-vous de l'île de Ré ? Non plus. Non plus. Bernard Mabille. L'île de la Cité ? Connaissez-vous Jacques Doré ? Bernard Mabille pense à Marc Lavoine. Êtes-vous Marc Lavoine ? Non. Bah non. Chantal Latsou pense à Christophe Maé. Non plus. Bernard Mabille propose aussi Miossec. Non plus. Voici... Ah bah Miossec pour un bord de l'eau, oui. Voici un autre indice. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus. Réfléchissez bien, on revient dans un instant après la pub. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Intermarché réinvente la fidélité. Vous en donnez plus ? On ne pouvait pas faire moins. Oui, venez 4 fois par mois chez Intermarché et profitez d'un bonus de 25% sur tous vos avantages cartes cumulés dans le mois. Plus vous venez, plus vous êtes récompensé. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. MAF Assurance présente, parole de pro. Bonjour, je suis votre conseillère MAF Pro. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que les fameux 2 mois gratuits pour la souscription d'une assurance auto avant le 24 juillet 2016, c'est aussi pour les pros. Et oui, aussi, pensez-y. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Conditions en agence et sur MAF.fr. Chantier neuf ou réno, pour les pros. C'est signé. Des plaques de plâtre très résistantes pour les douches à l'italienne. C'est signé Signat. Des doublages thermiques 100% efficaces pour tous mes chantiers. C'est signé Signat. Cloison, plafond, doublage, Signat fabrique des plaques de plâtre pour les pros. Retrouvez Signat chez vos distributeurs en matériaux ou sur signat.fr. Moi j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Bon plan, entretien auto. Euro répare car service, il y en a forcément un à côté de chez vous. Ah, moi, pour les vacances, tout est prêt. Enfin, sauf ma voiture. Alors là, je te donne un bon plan. Chez Eurorépar Car Service, ils ont des forfaits à partir de 59€ pour toutes les marques. 59€? Oui, oui. Vidange, freinage, clim, c'est toute l'année à partir de 59€. Et en plus, je vais te dire, le service est top. Eurorépar Car Service, l'entretien auto toute marque. Rendez-vous et devis en ligne sur eurorépar.fr. Réservé aux particuliers, conditions sur eurorépar.fr. Juste quelqu'un. Bien. Mon opticien Toll sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Il m'a proposé une seconde paire avec des verres solaires à ma vue. C'est vraiment utile. Et moi, j'hésitais entre 2 montures de marque. À ce prix-là, j'ai pris les 2. Eh oui, en ce moment chez Atoll les opticiens, quelle que soit votre vue, votre deuxième paire est à moitié prix. Même avec un traitement sur vos verres et avec une monture de marque. Les lunettes, c'est votre look et surtout votre confort visuel. Dispositif médical offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier et l'invité mystère. RTL. Mais qui est l'invité mystère ? Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais... Dans tes bras nus. Grâce à cette chanson, entre autres, Gérard Jugnot a identifié notre invité mystère. Bravo Gérard. Bon, c'est vrai qu'il vous a peut-être croisé aux enfoirés, ça aide aussi, mais quand même, cette chanson, normalement, ça devrait... Est-ce qu'il l'a écrite ? Est-ce que vous avez écrit cette chanson, demande De Chavannes. Oui. Composée ou écrite ? Les deux. Ah, les deux. Ah oui, donc vous êtes un faiseur de tube. Je sais qui tu es. Ah, bah oui, et je t'aime beaucoup. Chantal Latsou. Je t'ai trouvé. Chantal Latsou sait qui vous êtes. Voilà. Oh, pardon. Oh, attends. Et voilà, Chantal Latsou sait qui vous êtes. Allez-y, voilà. Chantal. Florent Pagny. Quel salaud, celui-là. Quel salaud. Mais comment tu peux te laisser avoir, Chantal, franchement, par cet individu. Bernard Mabille pense à David Hallyday. Bah, dis donc. Vous voyez, il y a du chemin à faire encore, invité mystère. Est-ce que vous êtes installé récemment dans une île, c'est ça ? Eh oui, oui. Mais vous, Gérard, vous savez qui ça ? Dites plus rien, voyons. C'est pour aider mes camarades. Dans une île en France ? Dans une île en France ? Karine Le Marchand propose Pascal Obispo. Non plus, voici encore un indice. Thank you.

Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. 194 euros par mois, offre valable pour une Seat Leon Référence en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Entretien et garantie inclus. C'est bon, on l'a. Non, mais tu veux pas que je la refasse pour le plaisir parce que je sens... Non, on a déjà 25 versions qui fonctionnent. C'est une dernière. Pour 194 euros par mois... La Seat Leon Référence est à partir de 194 euros par mois seulement. À ce prix-là, même les mentions légales deviennent un plaisir. Premier loyer de 2700 euros suivi de 36 loyers de 194 euros sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin. Conditions sur seat.fr. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux ? Un bon à parier Quintet Plus offert ? À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnant PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et si on regardait 8 matchs de l'UEFA Euro 2016 en Ultra HD sur TF1 et M6? Et moi, hier soir, avec l'Ultra HD d'Orange, j'ai clairement vu que l'attaquant avait marqué avec la main. Moi, avec l'Ultra HD d'Orange, j'ai même vu que c'était avec l'annulaire. Et t'as remarqué qu'il avait une fraîche manucure? Bizarre pour un joueur allemand. Ouais. 8 matchs de l'UEFA Euro 2016 en Ultra HD sur TF1 et M6 en exclusivité avec la nouvelle Livebox. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à condition en France métropolitaine sous réserve d'éligibilité avec offre fibre et téléviseur compatible. Conditions sur orange.fr. À suivre sur RTL à 18h. RTL Soir présenté par Marc-Olivier Fogiel qui recevra à 18h20 Hélène Romano, docteur en psychopathologie et spécialiste de la prise en charge des enfants victimes. Quel suivi pour Mathieu, ce petit garçon de 3 ans qui a assisté à la mort de ses parents à Magnanville. 18h35, Sylvain Tesson, écrivain et voyageur, et Raphaël Personnaz, acteur, à l'affiche de Dans les forêts de Sibérie qui sort demain en salle. Mais pour l'heure, nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grosses têtes et l'invité mystère. Gérald de Palmas, c'était bien notre invité mystère. Et il nous apporte non seulement un nouvel extrait de son album qu'on vient d'entendre, d'ailleurs le jour de nos fiançailles, mais il apporte l'album entier que je glisse dans la valise RTL. L'album s'appelle La beauté du geste. Il y avait déjà un premier single qui s'appelait Il faut qu'on se batte, qui a très bien marché. La nouvelle chanson, c'est le jour de nos fiançailles. Mais alors, que mes grosses têtes ont été lamentables. Pardon, monsieur de Palmas. Non, non, mais c'est pas de problème. J'ai un garçon discret, vous savez, donc je suis habitué. Alors d'abord, c'est pas Gérard, c'est Gérald. Hein, son prénom. Ça va, je l'ai trouvé. Je trouve ce type formidable. J'ai laissé jouer les couillons pour tout ça, voilà. Ce type a beaucoup de talent, je suis ravi de le voir en face de moi. Et voilà. Les Valentins, c'était le premier extrait qu'on a écouté. Vous avez fait partie de ce groupe, c'est ça, de façon. Oui. Nana Mouskouri qui chantait Au bord de l'eau, c'était tout simplement évidemment pour sa chanson à lui, Au bord de l'eau. Au bord de l'eau, il y a cette fille qui m'appelle. À la limite que vous ayez oublié Au bord de l'eau, qui pourtant a été un gros succès, mais quand même, Marie. Oh Marie. Ah oui. Je savais pas que c'est lui qui avait écrit ça. Quand même, enfin, on lui dit à chaque fois. Je savais pas que c'était vous. Ouais. Franchement, combien de fois c'est faudra le dire. Tu m'étonnes qu'il s'offre une belle maison sur les îles. C'est pas grave, c'est sur les îles. Au bord de l'eau, c'est parce qu'il s'était installé dans une île. Bien sûr, au bord de l'eau. J'étais persuadé que c'était le fils Hallyday qui avait écrit ça. Eh ben non, c'est pas David Hallyday, c'est bien Gérald de Palmas qui a écrit. Marie. Évidemment, Ten Days, la chanson de Céline Dion, c'était la version, on va dire, américaine, outre-Atlantique, de Tomber. La chanson, d'ailleurs, que Maxime Le Forestier, vous avez... Maxime avait fait le texte, voilà, en fait. Écrite, et vous aviez composé ce succès aussi, Tomber. Et puis, Sur la route, Raphaël et Jean-Louis Aubert, c'était évidemment pour évoquer votre premier succès. J'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route la fin de journée, si seulement j'avais pu lire. Bravo Gérard Jugnot. Je me souviens. Bravo Bernard aussi. Je me souviens aux enfoirés parce qu'on avait fait ça. Et, c'est ce qui m'avait marqué, c'est qu'il a soigné ses doigts. T'avais les doigts entièrement abîmés par la guitare. Ça à une époque, je mettais la cyano dessus. C'était le seul moyen que j'avais trouvé. Il mettait de la colle sur ses doigts. Jusqu'à ce qu'on me dise qu'il y avait probablement un peu de cyanure dans la cyano. Donc et que c'était pas super de mettre ça directement sur les doigts. Et il chante bien Gérard Jugnot alors. Alors formidable. Je chante volontiers. Karine Le Marchand a quand même fini par identifier Gérald de Palmas et Chantal là-dessous. Oui, mais je le connais, on s'est rencontrés chez le boulanger un jour. À Suresnes. À Suresnes, oui. habites plus sur Rennes. J'habite plus sur Rennes, mais j'ai habité sur Rennes très longtemps. Très longtemps. Et nous aussi, t'es dans la même école. Oui, c'est vrai. Ah bah moi aussi, donc, j'avais un copain, André, et... qui habitait vers sur Rennes. André vers sur Rennes. Joli. Non. Et jusqu'au bout. Il lâche pas l'affaire. On va rire pour être aimable. Et son orchestre. Alors, quand vous allez rentrer à La Réunion, dites donc, Gérald de Palmas, vous allez voir que là-bas, on parle que, évidemment, de, non pas Manu, Payet, mais évidemment Dimitri Payet. Bien sûr, à juste titre. Et visiblement, il fait des étincelles. Mais vous vivez à Paris ou à La Réunion, alors? Quand je fais de la promo et des concerts, plutôt à Paris. Et dès que je peux, je cours là-bas. Mais cet album-là, La Beauté du Geste, c'est là-bas que vous l'avez en partie écrit? En partie. J'avais commencé en Normandie, où j'habite aussi, quand je veux un peu m'évader. Ah, il a plein de baraques, en fait. Ça va, le showbiz. Vous êtes fait un petit studio à La Réunion, chez vous et tout? Oui, j'ai une petite pièce où je bosse un peu, mais pas trop. Non. J'essaye de pas trop bosser là-bas, j'essaye de profiter. Oui, faut pas bosser chez soi. Parce pas trop. L'album est disque d'or, déjà double disque d'or, même La Beauté du Geste. Bravo, parce que c'est un magnifique album. Merci, qui marche très très bien. Et vous partirez évidemment sur la route, justement, Enghien, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, Lyon, à partir de novembre prochain, novembre 2016. Et vous serez, mais c'est déjà complet, à La Cigale le 25 novembre. Il y aura des Zéniths, puis retour à l'Olympia en 2017. C'est bien ça? Exactement. Je vais pas donner toutes les dates. Aller voir sur Gérald c'est quoi, de Palmas. Des Zéniths et des salles comme après, ça? Après, ça dépend, en fait. Ça dépend du comment marche le disque, comment marche la tournée au fur et à mesure. Moi, je sais toujours quand je pars en tournée, mais je sais jamais quand ça s'arrête. Par exemple, en mars 2017, c'est au Silo, à Marseille. Là, vous aurez Jean-Jacques Goldman dans la salle, discrètement. J'espère. Au deuxième rang. Il vient déguisé. Hein. Ah bon? Bah en oui. Quoi en quoi? Déguisé? Bah, comme aux Enfoirés, il est déguisé. On le voit jamais en vrai, en fait. Ah, oui. Ah bon? Parfois, il met un bonnet, des lunettes. Il est peut-être dans la salle, là. C'est possible. La Beauté du Geste, c'est le nouvel album de Palmas. Il est en tournée à partir de novembre 2016. Merci d'être passé au Grosse Tête. Merci à vous, merci beaucoup. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. RTL, première radio de France. Choisir Shiva, c'est un peu comme passer un été sans nuages. C'est confier votre domicile pendant votre absence à des professionnels du ménage pour qu'il soit parfait à votre retour. Et pour votre maison de vacances, c'est profiter d'un service adapté à vos besoins partout en France. Choisir Shiva pour votre résidence principale ou secondaire, c'est l'assurance que vos vacances soient vraiment des vacances. Shiva, ménage et repassage à domicile, vous allez adorer rentrer chez vous. Retrouvez-nous au 0811 46 46 46 au prix d'un appel local ou sur shiva.fr. RTL 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Faugiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos à la une. Je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Alors ce soir avec Renaud, on embrasse les flics, les forces de l'ordre qui risquent leur vie pour protéger la nôtre, avec une pensée très émue pour ce couple exécuté hier à Magnanville qui laisse derrière eux un petit bonhomme de 3 ans que l'on a envie de serrer très fort dans nos bras. Et j'ai embrassé un flic. Le 18h, Isabelle Choquet. RTL Soir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Dans ce journal, nous allons revenir sur ce qui s'est passé précisément dans ce pavillon des Yvelines à Magnanville. La terrible mise en scène du terroriste qui s'est filmé en direct sur les réseaux sociaux. Le profil de ce jeune homme de 25 ans déjà condamné dans une affaire de terrorisme. Et la liste qu'il avait dressée de ses cibles potentielles, des personnalités, des rappeurs et des journalistes. Nous irons aussi au Mureau, dans le commissariat où travaillait le policier assassiné. Ses collègues, bien sûr, sont sous le choc partagé entre la tristesse et la colère. Et puis nous serons à l'Assemblée où la bataille politique fait rage car la droite réclame plus de sécurité. À suivre également la manifestation nationale contre la loi travail. Forte mobilisation, mais malgré les circonstances, pas de trêve dans la violence, au grand dam des manifestants. Ils n'en ont rien à foutre de l'avenir des salariés, rien à glander, c'est pas leur but. Leur but, c'est de casser ce qui représente de près ou de loin la société. Franchement, ceux qui prennent les décisions, ils sont pas dans le cortège. C'est pas le petit con comme moi qui gagne le SMIC et qui prend les décisions. Pourquoi on vient nous casser les couilles ici régulièrement? Oui. L'actualité ce soir, c'est aussi l'euro et la Russie menacée d'exclusion si ces hooligans font encore parler d'eux. La Bourse de Paris, elle termine en baisse de 2,29% à 4130 points. Les courses à Nantes, il fallait jouer le 11, le 3, l'As, le 10 et le 6. Après le journal, la question qui éclaire l'actualité, la Russie à Bala avait déjà été condamnée pour djihadisme. Mais combien de djihadistes sont identifiés sur le territoire français et comment sont-ils surveillés? À 18h20, quel suivi pour Mathieu, ce petit garçon de 3 ans qui assistait à la mort de ses parents? Hélène Romano, docteur en psychopathologie et la première invitée d'RTL Soir. Dans la foulée, l'horreur donc filmée hier par le terroriste en direct sur Facebook. Pendant 12 minutes, on va vous emmener en coulisses de la communication de Daesh. 18h30, Alain Duhamel. Ce soir, la grande manifestation de la CGT. 18h35, dans cette actualité dramatique, un grand bol d'air frais direction le lac Baïkal avec Sylvain Tesson et Raphaël Personnage à l'affiche dans les forêts de Sibérie. L'acteur incarne l'écrivain. 18h50, Laurent Gérard. Après 19h, on refera le monde. Bonsoir les Bodins. Bonsoir Marc-Olivier. Demain, des nuages, des averses, mais peut-être plus d'éclaircies. Exactement, hein, dans ce temps très très nuageux qui va encore nous accompagner, on aura peut-être des périodes d'accalmie un petit peu plus longues, donc l'espoir d'avoir un peu plus d'éclaircies dans la plupart des régions, mais les nuages ne seront jamais très loin et il faudra encore emporter le parapluie parce qu'il y aura toujours quelques averses, voire quelques orages en cours d'après-midi, mais a priori donc un peu plus d'éclaircies. La Méditerranée sera également concernée par cette dégradation, sauf la Corse. Puis côté température, ça ne sera toujours pas ça, 17 à 20 degrés seulement dans la moitié nord en cours d'après-midi et 20 à 23 dans le sud où ça baissera également, notamment près de la Méditerranée. A tout à l'heure, Louis. RTL Soir. Et un cap dans l'horreur a été franchi. Voilà ce qu'a dit tout à l'heure Manuel Valls après la mort d'un policier et de sa compagne assassinée chez eux, donc dans les Yvelines, Isabelle. Assassinés parce qu'ils étaient policiers, mais pas tués en service. Le commandant de police Jean-Baptiste Salvin, 42 ans, a été poignardé devant son pavillon de Magnanville alors qu'il rentrait de son travail. Jessica Schneider, 36 ans, a été égorgée dans la maison en présence de leur petit garçon de 3 ans et demi. Un acte terroriste revendiqué par l'État islamique auquel le meurtrier, Larossi Abala, avait prêté allégeance. Bonsoir, Damien. Bonsoir. En fait, les victimes étaient pistées et de longue date. Ouais, c'est en tout cas ce que laisse penser le scénario de l'attaque menée par Abala. Vers 20h30, il est caché derrière le portail qui donne accès à la maison et guette le retour du commandant Salvin. C'est là qu'il le surprend. Plusieurs coups de couteau à l'abdomen. L'officier tente alors de s'échapper, repart vers la rue, crie à des voisins de se cacher et d'appeler la police. Mais il est rattrapé et achevé dans la rue. Abala repart vers la maison du policier en criant qu'il a tué au nom de l'État islamique, qu'il a des otages et des armes et qu'il prépare une surprise. Il s'enferme ensuite avec la femme du policier, leur jeune fils de 3 ans. Le huis clos terrifiant va durer un peu plus de 3 heures avant l'assaut du raid. Seul le petit garçon est retrouvé vivant. Et précisément, ce petit garçon de 3 ans et demi qui est orphelin aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a vu précisément? Alors d'après les policiers du raid qui l'ont retrouvé dans la maison, l'enfant était en état de choc. Personne d'autre que lui ne peut savoir ce qu'il a vu, entendu et même compris de la situation. Mais des images vidéo postées par le terroriste pendant la séquestration et après la mort de sa maman laissent penser qu'il a quand même été un témoin direct d'une partie des faits. Parce qu'effectivement, Abala se met en scène, il se filme, les images sont diffusées en direct sur les réseaux sociaux et il...